Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? L'important, c'est que vous entendiez surtout les intervenants qui vont s'exprimer dans la matinée, dans l'après-midi. En tant qu'organisatrice sur un plan essentiellement matériel de cette journée d'études, je voulais simplement dire quelques mots d'introduction. Je serai très brève parce que j'ai le souvenir, les souvenirs récents et fréquemment renouvelés d'être plutôt du côté du public et de détester évidemment les interventions, les ouvertures purement officielles et formelles. Mais je voulais quand même ouvrir les travaux en remerciant très chaleureusement les collègues italiens et français qui ont accepté de participer à cette journée d'études. Et je voudrais évidemment remercier les étudiants qui se sont déplacés en nombre pour suivre cette journée d'études. Encore une fois, je ne vais pas vous proposer une véritable introduction ni sur le plan scientifique, ni sur le plan, disons, logistique de cette journée. J'espère que la répartition des travaux entre la matinée et l'après-midi a une certaine clarté et une certaine pertinence dans vos travaux et dans votre préparation, notamment de l'agrégation pour ceux d'entre vous qui sont agrégatifs cette année. L'idée, c'était de proposer dans la matinée des visions d'ensemble de l'œuvre de Roberto qui ne seront pas toutes limitées aux œuvres, au programme, qui vous donneront donc une vision un peu panoramique de l'œuvre de Roberto en la resituant dans un contexte historique, littéraire et culturel. Et puis l'après-midi, les interventions sont davantage centrées sur des lectures monographiques avec des approches très différentes. Au moment où ce programme a été conçu, l'idée était de vous offrir des interventions très variées de grands spécialistes de Roberto, et à ce propos je remercie tout particulièrement Margherita Ganeri, Nunzio Zago et Michela Toppano de venir en tant que spécialistes de l'œuvre de Roberto. Mais l'idée était aussi d'enrichir cette journée par des visions, disons, plus latérales de l'œuvre de Roberto, de la part de spécialistes ou de la littérature sicilienne ou de la littérature du XIXe siècle, et bien sûr de la part d'enseignants qui sont responsables de la question d'agrégation dans leurs universités respectives. Donc vous aurez aussi la chance d'entendre des enseignants qui sont... que vous n'avez pas l'habitude d'entendre à Paris lors de votre année de préparation, puisqu'ils enseignent à Lyon ou à Poitiers et qu'ils nous font évidemment l'honneur de venir présenter une partie de leurs travaux avec une conscience aiguë de ce que sont les exigences méthodologiques de la leçon ou de la dissertation dans le cadre d'un concours français. Voilà, donc je me limite à ces quelques mots d'introduction. J'espère que vous tirerez profit de cette journée et je vous remercie encore une fois d'être venus assez nombreux pour De Roberto qui, jusqu'à présent en France, comme vous le savez, n'a pas eu une réception particulièrement glorieuse ou linéaire. Donc c'est aussi à la faveur de ce programme d'agrégation une occasion pour parler depuis un point de vue français de Roberto. Alors peut-être que Andrea Fabiano veut dire deux mots aussi en tant que directeur de l'UFR d'italien de la Sorbonne. Merci beaucoup. Déjà, je m'associe évidemment remerciement pour les collègues qui ont fait les déplacements pour cette journée, et je remercie surtout Aurélie Genra-Claudel qui, comme vous l'avez vu, est prête d'accoucher bien de la mère. Et donc, imaginez-vous les difficultés de stress que cela peut procurer. Donc, je m'excuse aussi pour le changement de la dernière minute de la salle. Cela est dû à un important conseil d'administration de l'université qui nécessite un emplacement sécurisé. C'est pour cette raison que la réunion du conseil d'administration qui était prévue ici a été déplacée dans la salle des actes, là où notre journée aurait dû se dérouler. Et c'est une journée qui est organisée par l'équipe de recherche de l'UFR italien, c'est-à-dire l'équipe de littérature et culture italienne, car depuis quelques années, nous essayons d'associer la préparation à l'agrégation aussi à des thématiques de recherche. Et dans cette logique, ici, il y a des doctorants, des étudiants qui préparent l'agrégation, mais aussi des masters de recherche. Car évidemment, pour nous, c'est important de ne pas dissocier la préparation pour cours à cette une préparation scientifique. Par ailleurs, j'espère, je souhaite que les actes de cette journée puissent être publiés rapidement. Et donc, c'est là, c'est un témoignage ultérieur de cette volonté de faire de cette journée pas simplement une journée de préparation à l'agrégation, mais aussi une journée de réflexion sur l'objet des Robert. J'espère que cela sera pour vous intéressant. On est dans un espace un peu confiné, mais vous aurez la possibilité pendant la pause de descendre et de monter sans problème. Je vous invite à vous munir de votre carte étudiant pour pouvoir franchir les barrages des gardiens de la Sorbonne. Merci et bon travail à tous. Oui, alors avec la présentation complémentaire d'Andrea Fabiano, vous avez peut-être aussi un aperçu de cette double approche de la journée qui a une fonction pédagogique mais aussi une fonction scientifique qui émergera peut-être plus clairement avec la publication des actes que nous essaierons évidemment d'effectuer dans les délais les plus brefs, mais enfin je ne peux pas vous garantir que ce sera dans les semaines qui viennent. En revanche, nous avons la chance de pouvoir enregistrer sur bande audio les travaux de la journée, donc vous aurez vraisemblablement très vite un accès à la totalité des travaux sous forme de fichiers sur le site des études italiennes de la Sorbonne. Malheureusement, le changement de salle dont Andrea Fabiano vient de vous expliquer les raisons a comporté le renoncement à l'enregistrement vidéo. Mais pour ceux qui sont présents aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas une perte irréparable puisque vous allez profiter de tous les aspects de la journée. Je laisse tout de suite la parole à Elsa Charani-Lesourd, professeure à l'université de Nancy 2 et qui est justement en charge de la question des Roberto cette année dans son université d'origine. C'est donc elle qui va présider les travaux de la matinée. Bonjour, heureusement que j'ai un micro parce que j'ai quelques problèmes de voix. C'est pas très grave puisque c'est moi qui dois empêcher les autres de parler, donc finalement, c'est très bien. Inexplicablement, De Roberto n'a pas eu la place qu'il aurait dû avoir dans les histoires de la littérature italienne, ou peut-être explicablement parce que c'est un auteur qui, au moins dans I Vicere, ne fait aucune concession d'aucune sorte à ses lecteurs. Je commencerai comme ça. Et donc je donne la parole tout de suite à Michela Topano, maître de conférence à l'Université de Provence, qui est l'auteur d'une thèse sur Federico De Roberto, qui a travaillé sur la littérature vériste et qui va vous parler de Passione e Interesse nell'opera di De Roberto. Merci. Voilà. Alors bon, tout d'abord, je voulais remercier Aurélie pour m'avoir invité et m'avoir donné l'opportunité, la possibilité de participer à cette belle rencontre qui s'annonce très intéressante et enrichissante. Voilà. Ensuite, contrairement au titre, en fait, mon intervention se déroulera en français. Donc, il y aura un petit changement aussi au niveau linguistique. Alors, Federico De Roberto, comme un de ses contemporains au XIXe siècle, s'est penché sur les conséquences des bouleversements introduits dans l'ordre social et politique par le libéralisme et les principes d'égalité et liberté hérités par la Révolution française, comme le témoignent plusieurs de ses articles publiés sur le Corriere della Sera. Vous me dites si vous n'entendez pas, hein? La naissance de l'État libéral issu du Risorgimento et l'écroulement des États et des structures d'anciens régimes en Italie ont ébranlé la société hiérarchique traditionnelle. Ils ont remis en discussion les valeurs communautaires qui en constituaient les fondements. Et ainsi, une question inédite devenait primordiale. Comment des individus, mis par des désirs et des exigences propres, souvent contradictoires, pouvaient vivre les uns à côté des autres au sein d'une société construite sur une base volontariste. Federico De Roberto s'est souvent interrogé sur la capacité de l'homme à concilier les exigences individuelles avec les exigences d'autrui au sein d'une société italienne impliquée dans un processus de modernisation problématique et contrasté. Ainsi, une des problématiques morales les plus récurrentes de son œuvre renvoie à la capacité ou à l'incapacité de l'homme à maîtriser ses passions dans tous les domaines de la vie sociale. Cette thématique est largement développée dans tous les textes de l'auteur sicilien. Dans les romans I Viceré l'Impero, il analyse le rôle des passions dans l'espace familial et politique, alors que dans les œuvres psychologiques, ainsi que dans les traités L'amore, il dissèque la nature de la passion amoureuse au sein de la microsociété que constitue le couple. Nombreuses sont les définitions du concept de passion qui ont été formulées dans le cadre de l'histoire de la philosophie. En ce qui nous concerne, je me contenterai de définir les passions à minima afin de pouvoir circonscrire dans les textes de Roberto les motifs et les thèmes qui seront soumis à l'analyse. J'entends donc par passion des tendances affectives durables et dominantes dirigées vers un objet et qui échappent au contrôle rationnel de l'individu. L'œuvre de Roberto offre une panoplie complète de ces inclinations obsédantes et exclusives. Certaines de ces passions renvoient à celles qui sont traditionnellement stigmatisées par la vision chrétienne. L'orgueil, l'avidité, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise régissent l'univers des Viceré. La vanité et l'orgueil dominent la conduite de la protagoniste dell'Illusione. De Roberto s'attache également à analyser des passions moins marquées par la tradition chrétienne, telles que l'ambition et la passion du pouvoir dans I Viceré et l'Impero. Enfin, il consacre de nombreux ouvrages à l'amour. Dans le cadre de cet exposé, je m'appuierai essentiellement sur la trilogie de Zuzeda, L'Illusione, publiée en 1891, I Viceré, 1894, et L'Impero, qui a été publié posthume en 1929. Dans un premier temps, nous expliciterons les liens qui unissent chez De Roberto passion et amour propre. Nous montrerons ensuite comment toutes les passions chez De Roberto ont des effets inéluctablement néfastes sur la société ou sur les individus à cause de leur nature même, qui est constitutionnellement négative. Dans un troisième temps, nous verrons que ces passions peuvent être maîtrisées par la raison, mais sans que cette correction débouche sur un ordre social plus juste. Afin de comprendre les rôles joués par les passions chez De Roberto, il est nécessaire d'expliciter la relation qu'elles entretiennent avec la notion d'amour propre. L'auteur s'attache, entre autres, à définir les racines des passions dans les traités L'amore, Physiologia, Psicologia, Morale, un traité d'inspiration positiviste, publié en 1895. Les passions apparaissent comme des manifestations de l'amour de soi, qui, selon l'auteur sicilien, représente la passion humaine fondamentale dont toutes les autres découlent. C'est une passion universellement partagée, puisque l'amour de soi est, dans les domaines psychologiques, l'équivalent de l'instinct de survie. L'amour de soi est ainsi fondamentalement égoïste. Par conséquent, toutes les passions, même les plus désintéressées, comme l'amour, tirent leurs racines de l'égoïsme. Dans le traité L'amore, De Roberto s'efforce, mais s'efforce seulement, d'attribuer une valeur neutre à l'amour de soi. En revanche, dans sa production fictionnelle, et notamment dans I Viceré et L'Impero, l'amour de soi ne se présente pas comme un simple principe de conservation. En effet, il porte inéluctablement l'individu à s'affirmer par rapport aux autres. En d'autres termes, l'amour de soi se déploie inévitablement au détriment de quelqu'un d'autre. La vision de Roberto est donc particulièrement pessimiste. L'homme, pour se préserver, ne peut faire rien d'autre que porter préjudice à autrui. Selon cette anthropologie, qui articule étroitement la préservation de soi et la prévarication d'autrui, il n'existe pas de passions bienveillantes vis-à-vis des autres. Ainsi, chez De Roberto, les passions apparaissent toujours néfastes, pour la société ou pour l'individu même qui s'efforce de les assouvir. Elles se présentent comme des forces irrésistibles, mais elles ne possèdent pas la puissance créatrice et libératrice des passions romantiques. Au contraire, elles sont toujours destructrices et stériles pour la société ainsi que pour l'individu. Dans la société, les passions dissolvent les liens sociaux, que ce soit au sein des communautés restreintes comme la famille ou dans l'espace public. Par exemple, dans I Viceré, la passion de liberté et de jouissance de Raimondo ou l'amour maternel monstrueux de Chiara détruisent la cellule conjugale. Don Blasco sème la zizanie au sein de la famille par haine vis-à-vis de Donna Teresa. L'avidité de Giacomo et Donna Ferdinanda attise les rancunes des parents. La jalousie et l'envie créent des rivalités haineuses qui déchirent les tissus familiales et dressent les membres les uns contre les autres dans une guerre permanente. De Roberto brosse donc un portrait des familles qui l'oppose à Giovanni Verga, pour qui, au contraire, la famille était encore le dernier rempart contre les passions provenant du monde extérieur. Il n'en est pas mieux dans l'espace public, où l'ambition et la passion du pouvoir mettent en concurrence déloyale les individus. Dans I Viceré, Consalvo évance sans scrupule Giulente, qui avait pourtant contribué à la montée politique de son oncle. Dans l'Impero, les ambitions individuelles règlent les achissements des hommes politiques et installent la méfiance et les dénigrements réciproques. En outre, ambition et passion de pouvoir se déploient toujours au détriment du bien général et des ressources communes. Dans I Viceré, Consalvo, maire de Catane, n'hésite pas à dépenser de l'argent public pour des projets sans aucune utilité collective véritable. Il construit un parlement en miniature dans la salle de la mairie, il achète des uniformes flambant neufs pour tous les gendarmes et les pompiers. Ces mesures, inutiles pour la collectivité, servent magnifiquement sa carrière politique. Elles impressionnent les citoyens et lui gagnent des électeurs. Dans l'Impero, le Parlement n'est rien d'autre que l'arène où s'affrontent les ambitions des uns et des autres au détriment de l'intérêt de la nation. Si les passions sont dangereuses pour la société, elles ne permettent pas non plus l'épanouissement de l'individu. Elles se présentent tout d'abord comme source d'aliénation, puisqu'elles poussent les individus à agir sans le savoir et sans le vouloir contre leur véritable désir. La trajectoire de Raimondo Uzeda, victime de sa passion de liberté et de jouissance, nous fournit l'exemple le plus éclatant du cercle vicieux des passions. Raimondo abandonne sa femme Mathilde, qu'il n'avait jamais voulu épouser, pour aller vivre avec Isabella Fersa, sa maîtresse du moment. Giacomo, son frère et chef de la famille, affiche ostentoirement sa réprobation. Aiguillonné par cette résistance, Raimondo s'entête à faire reconnaître cette union scandaleuse afin d'épouser Isabella. Il y parviendra, mais il devra payer un prix particulièrement lourd. Il devra céder à son frère aîné la partie la plus conséquente de son patrimoine. En outre, sa relation avec Isabella Fersa, à laquelle sa passion l'a poussée, se transformera en une chaîne encore plus contraignante que l'ancienne, car il ne pourra pas rompre un deuxième mariage. Ainsi, sa soif de liberté l'amènera paradoxalement à la perdre. Le motif de l'aveuglement produit par la passion revient aussi dans l'illusione, où la vanité de Teresa l'incite à épouser Guglielmo Duffredi, aristocratique et riche, qui pourtant ne l'aime pas. Bien qu'elle en soit consciente, l'orgueil de devenir l'épouse d'un homme convoité par la société féminine palermitaine la pousse à accepter sa demande en mariage. Elle entamera ainsi une histoire d'humiliation et trahison. Contrainte de l'équité, cette relation mal commencée marquera le début d'une série de relations aussi décevantes que la première. Nous voyons donc bien comment l'individu, croyant satisfaire ses exigences en donnant libre cours à sa propre passion, finit par aller à l'encontre de son propre désir. Chez De Roberto, les passions ne sont pas valorisées comme elles l'étaient dans la conception romantique, en tant qu'expression du vrai moi de l'individu en opposition aux contraintes des conventions sociales. Les passions sont accusées, au contraire, d'être un vecteur d'aliénation de l'individu au sein d'une société tout entière dominée par des passions dévastatrices. Dans ces conditions, toutes les passions sont également ignobles. Pour pouvoir apprécier les caractères radical de cet aspect négatif, il suffit de comparer De Roberto à Verga. Verga, en effet, il regardait, je ne dis pas avec approbation, mais au moins avec fascination, les passions élémentaires des paysans siciliens, dans la mesure où elles étaient liées à un code d'honneur traditionnel ou à la possibilité d'une expression plus immédiate des pulsions. Non seulement, mais chez Verga, au moins dans le recueil de Nouvelles Véristes, il existe aussi une hiérarchie de passions, dans la mesure où, justement, Verga, il était fasciné par les passions élémentaires et il blâmait, en revanche, les passions qui étaient typiques d'une société aux prises avec les formes de la production capitaliste. Ainsi, l'avidité et la rapacité, chez Verga, apparaissent stigmatisées, alors que la vengeance de Elio Turiddu ou la passion brûlante de la Lupa sont regardées d'un œil plus indulgent. Chez De Roberto, en revanche, toutes les passions sont condamnées sans appel par l'auteur. Même la passion amoureuse, considérée traditionnellement comme la passion altruiste par excellence, selon De Roberto, partage, avec les autres passions, leur nature conflictuelle égoïste. Je voudrais m'arrêter sur la passion amoureuse, hein, puisqu'elle a occupé l'auteur de manière obsessive, hein, dans toute la production psychologique, comme je vous le disais, et dans ses fameux traités d'inspiration positiviste, l'amore. Alors, encore une fois, contrairement à la conception romantique, l'amour chez De Roberto n'amène pas à la fusion des êtres, ni à une expérience exceptionnelle qui sublime l'individu. Au contraire, il divise la micro-société du couple et conduit à l'isolement des amants. Dans le traité L'amore, il montre que l'amour est source d'âpres conflits entre les amants, puisque, tout comme les autres passions, il découle de l'amour propre. Ainsi, d'une part, l'obtention de l'amour gratifie l'amour de soi. D'autre part, l'absence de retour devient une blessure narcissique insupportable. Pour De Roberto, ces blessures sont inévitables, puisque le manque de réciprocité est la règle dans ce domaine. Avec l'appui des théories des biologistes et naturalistes contemporains, qui insistaient sur la diversité physiologique entre les sexes, De Roberto montre que les hommes et les femmes sont constitutionnellement différents et leur union n'est qu'une illusion. Cette incompatibilité empêche toute communion véritable. Elle génère malentendus, problèmes de communicabilité, rejet, diversité d'exigences et d'attentes. Ainsi, la relation amoureuse se présente comme une lutte entre l'homme et la femme, incessante, épuisante et humiliante pour l'amour de soi. Le roman L'Illusione illustre parfaitement cette nature douloureusement conflictuelle de l'amour. Dans ce roman, le dialogue entre Teresa, la protagoniste, et ses amants se transforme rapidement en joute verbale où il n'est plus question d'affirmer ou de protéger l'amour de soi que d'exprimer l'amour pour autrui. Ce roman montre également que la passion amoureuse se construit dans la solitude et amène à la solitude, parce qu'elle est essentiellement narcissique. Teresa, après une série de relations amoureuses décevantes, se retrouve seule à 40 ans dans sa petite ville natale, Milazzo. Elle se rend compte que le seul vrai amour dont elle avait été l'objet est celui que lui portait sa vieille servante, morte avant que Teresa puisse l'apprécier. Ce dessin de solitude de la passion amoureuse n'est pas surprenant, puisque la passion amoureuse n'est pas passion de l'autre, mais passion de soi. Chaque fois que Teresa tombe amoureuse d'un homme, en réalité, elle tombe amoureuse d'elle-même. Toutes les relations de la jeune femme échouent à cause de cette dimension narcissique. Par exemple, Teresa parvient à éloigner d'elle-même Enrico Sartana, le seul homme qui peut être l'aimé d'un amour, je ne dis pas altruiste, mais un peu plus altruiste que les autres. Tout simplement parce qu'il ne flattait pas assez sa passion de soi. Contrairement à d'autres amants, il n'était pas capable d'exprimer son amour pour elle de façon assez éloquente, décevant ainsi les attentes d'une passion ineffable qui aurait donné à Teresa l'impression d'être une créature d'exception. Insatisfaite, la jeune femme attribue cette sobriété d'expression au manque d'amour et provoque la fin de la relation. Tout au long du récit, la nature autoréférentielle de l'amour est symbolisée par les références au miroir, par les jeux de regards échangés ou recherchés, par le désir d'être vu et par le plaisir de se voir d'en dehors par les travaux fantasmatiques de l'imagination. De cette façon, De Roberto dénonce la mystification à laquelle est soumise la passion amoureuse dans la littérature romantique. Cette conception de l'amour devient l'une de ses cibles polémiques privilégiées. L'amour n'est pas un sentiment fusionnel altruiste, mais au contraire, il installe la lutte à l'intérieur du couple, puisqu'il se présente comme une énième manifestation de l'amour de soi. Si, dans la littérature romantique, l'amour était impossible à cause du conflit entre les exigences de l'individu et les conventions sociales, chez De Roberto, l'amour est impossible à cause du conflit inévitable entre les sexes. Nous pouvons ainsi constater que chez De Roberto, la passion n'est pas considérée comme destructrice parce qu'elle constitue une transgression à une norme sociale ou divine, comme elle pouvait l'être dans la littérature romantique. Elle est destructrice et négative pour la société et pour l'individu, tout simplement parce que sa nature même est mauvaise, étant une manifestation de l'égoïsme. Pour De Roberto, les passions ne sont ainsi que l'expression de la corruption de l'être. Cette conception ontologiquement négative des passions transparaît clairement dans Zivicharem. Dans ce roman, l'épanouissement des passions est toujours accompagné de l'émergence d'une force atavique qui pèse inéluctablement sur l'individu. Ainsi, le narrateur rappelle cette force obscure pour élucider les racines de l'avidité insatiable de Giacomo. Je cite « Meglio che tutti gli altri Uzeda, egli era il rappresentante degli ingordi spagnoli, unicamente intenti ad arricchirsi. De même, la volonté di Raimondo d'avoir Isabella Fersa, come femme, s'appuie sur, je cite, l'istinto sanguinario dei vecchi Uzeda predoni. Enfin, Consalvo si soumet aux études les plus ardues afin d'acquérir une culture capable d'impressionner la société catanese en vue de sa carrière politique, parce qu'elle est poussée par, je cite à nouveau, la nativa spagnolesca albagia della razza ignorante prepotente. Ainsi, la passion se présente comme l'expression d'un amour de soi qui n'est qu'une forme plus civilisée de la soif de terre et de sang ressurgissant d'un passé archaïque. Elle se présente comme une terre enracinée dans le corps des individus, la manifestation d'une anomalie organique. Ces passions ontologiquement négatives ne peuvent pas être éradiquées, puisqu'elles coïncident avec la force même qui pousse l'individu à agir et à survivre, c'est-à-dire l'amour propre. Éliminer les passions impliquerait l'élimination de tout principe de vie, puisque l'homme sans amour propre ne peut pas survivre. En d'autres termes, l'homme, pour vivre, est destiné à rester accroché à sa terre d'origine, aussi corrompue qu'elle soit. Si les passions ne peuvent pas être éradiquées, elles peuvent être contrôlées. En effet, chez De Roberto, elles peuvent être maîtrisées par la raison, mais uniquement sous la forme de l'intérêt. Nous utilisons ce terme dans le sens qu'il avait dans la pensée économique moderne, dont Albert Hirschman, auteur d'un ouvrage des sommets classiques, La passion et les intérêts, justement, décrit les concepts principaux. L'intérêt est un avantage, un bien privatif, que les individus s'efforcent d'optimiser en usant de leur raison, ou plus exactement, en usant de leur capacité à faire des calculs, à évaluer la meilleure adéquation entre les fins et les moyens à leur disposition. Dans Zivicharè, les personnages peuvent endiguer les passions les plus violentes et débordantes lorsqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent mieux les satisfaire par des calculs économiques ou stratégiques qui leur permettent d'obtenir des biens privatifs, matériels ou immatériels, à plus long terme. En général, ces personnages logiques et rationnels, raciocinantes, obtiennent un succès narratif, alors que les personnages qui se laissent dominer entièrement par leur passion sont destinés à l'autodestruction. Ainsi, certains personnages, comme Donna Ferdinanda et le prince Giacomo, se servent de leur raison calculatrice afin d'accumuler de l'argent et du patrimoine, quitte à sacrifier temporairement leur désir d'affirmation et à dissimuler leur haine pour ceux qui les oppriment. Giacomo, par exemple, réfrène sa haine implacable envers sa mère, qui lui a préféré Raimondo. Après une attitude initiale de révolte, il choisit la dissimulation des craintes d'être déshérité. Par cette conduite, il arrive à faire en sorte que sa mère partage les patrimoines entre lui et Raimondo. Ensuite, il adopte la même stratégie pour s'emparer du patrimoine de ses frères et sœurs. Avec opiniâtreté et patience, il parvient à les spolier en exploitant avec froideur les passions non contrôlées des uns et des autres. Il s'empare du maigre patrimoine de son frère Ferdinando en profitant des dépenses folles qui ont amené Ferdinando à signer des billets d'échange qui finissent dans les mains de Giacomo. Non, Ferdinando, c'est Giacomo. J'ai vérifié, mais je pense que... Alors, il y a beaucoup de personnages qui vont les soustraire de l'argent. Donc Giacomo, il soustrait au fur et à mesure la totalité du lac de Raimondo en secondant sa passion pour les jeux, pour la liberté et pour les femmes. En jouant des rivalités ou des alliances échangeantes entre les membres de la famille, il arrive à s'approprier les biens de ses sœurs Chiara et Lucrezia. D'autres personnages emploient leur capacité rationnelle afin d'obtenir des biens immatériels, une position prestigieuse ou le pouvoir politique. C'est le cas de Don Lodovico de Consalvo. Dans le cas de Don Lodovico, nous rappelons donc son histoire. Donna Teresa manipule psychologiquement Lodovico, son deuxième fils, afin qu'il se résigne à prendre l'habit des moines bénédictins. De cette manière, Raimondo, tout en étant le troisième enfant, pourra rester dans le monde à sa place. Lodovico est ainsi animé par une haine sourde vis-à-vis de sa mère et de son frère, aussi viscérale que celle de Don Blasco. Cependant, contrairement à Don Blasco, qui a subi la même violence et réagi par la cupidité, la colère, la gourmandise, Lodovico dissimule sa rancune. Afin d'obtenir sous une autre forme les pouvoirs et la reconnaissance qui lui sont liés dans la société, il s'efforce de conquérir le priorat dans le richissime couvent des bénédictins de façon stratégique. Il adopte une conduite exemplaire, il gagne la confiance de l'abbé et de ses confrères, il évalue les rapports de force à l'intérieur du couvent et les exploite. Par ces moyens, Lodovico, après la suppression des couvents, parviendra même à être décoré de la pourpre cardinalis à Rome. De même, Consalvo met un frein aux passions les plus matérielles auxquelles il s'était adonné dans sa jeunesse et par lesquelles il exprimait sa soif de domination. Il se rend compte qu'il doit adopter une démarche plus réfléchie afin de mieux satisfaire ses passions, la soif de pouvoir et l'ambition. Il renonce à la passion du jeu, au goût pour la violence, à la satisfaction de l'appétit sexuel pour se consacrer aux études et à la carrière politique. Il étouffe son orgueil des castes pour arborer une foi démocratique, en laquelle il ne croit pas, mais qui fait partie de sa stratégie dans l'escalade politique. Ainsi, les calculs, la réflexion, la prévision réfrènent les désirs d'affirmation des soins de Consalvo, afin de pouvoir mieux l'assouvir plus tard. Par ces moyens, il réussira à se faire élire député et accéder au Parlement. Dans l'Império, l'intérêt devient presque l'unique forme à travers laquelle se déploie l'activité humaine. L'espace politique devient le lieu privilégié du calcul et de la stratégie subordonnée à l'affirmation de soi. Mais l'intérêt n'est pas plus bénéfique pour la société que les autres passions. Au contraire, l'intérêt seconde et accentue l'effet néfaste des passions. En effet, les passions maîtrisées par l'intérêt deviennent moins lisibles et sont donc d'autant plus dangereuses qu'elles s'expriment par des voies détournées, tout en ne perdant pas leur pouvoir de nuisance. Les personnages qui soumettent leur passion aux freins de l'intérêt agissent en effet dans les secrets, dans les mensonges, dans la duplicité et dans l'hypocrisie. Cette retenue leur permet de maîtriser eux-mêmes et les autres afin de mieux s'imposer. Dans I Vicere, le bureau dans lequel Giacomo s'enferme avec son administrateur, sans que le lecteur sache jamais ce qui s'y échafaude, est un symbole éloquent de cette démarche cachée. Les allusions au bureau, en effet, ponctuent les romans et marquent les étapes successives de la stratégie de Giacomo dans la poursuite de son œuvre d'expoliation de ses parents. De même, la duplicité de Consalvo joue un rôle essentiel dans sa montée au pouvoir. Elle est soulignée par les contrastes entre les discours publics, d'une part, et ses discours privés, ses véritables pensées, d'autre part. Dans l'Império, Consalvo souligne l'omniprésence de l'hypocrisie et du non-dit qui régissent les relations entre les députés et les journalistes, entre les journalistes, et en fait une devise personnelle. L'intérêt rend les relations entre les individus plus opaques et la violence exercée par les uns et les autres plus difficile à cerner et à prévenir. Dans de telles conditions, l'intérêt déguise les passions destructrices sous une apparence plus civilisée, mais les conséquences sont également néfastes pour la société. L'assouvissement immédiat et agressif des passions est renvoyé. Les passions les plus primaires semblent étouffées. Leur expression ne s'extériorise plus avec la même violence, mais les rapports sociaux demeurent toujours aussi inhumains. Si l'avidité mal maîtrisée de Don Eugenio l'amène à sa perte, l'avidité avisée de Donna Ferdinanda et de Giacomo en font des êtres capables de ruiner des familles entières pour accroître indéfiniment leur patrimoine. Ils deviennent insensibles même à la ruine de leurs propres parents. Si l'ambition naïve de Giulente l'a vite mis à l'écart de la compétition électorale, la lucide passion du pouvoir de Consalvo le rapproche au fur et à mesure de son rêve d'être le maître de tous les hommes. Il renouvelle ainsi la domination séculaire et injuste de ses ancêtres, mais à une plus grande échelle. En outre, l'intérêt amène à envisager le rapport aux autres comme des simples rapports d'échange. Dans I Vicere, Giacomo accorde son soutien à Raimondo après que ce dernier lui a cédé son patrimoine. Donna Ferdinanda concède un peu de considération à Giulente afin d'utiliser ses compétences juridiques pour ses propres affaires. Le duc d'Oragua soutient le mariage de Mathilde, fille d'un baron libéral, avec Raimondo, et celui de Lucrezia avec le libéral Giulente, afin de gagner la bienveillance des milieux libéraux. Dans l'Impérium, l'apothéose de cette logique économique instrumentale est atteinte par la pratique du transformisme. Les personnes sont ainsi prises dans un réseau de relations dans lesquelles elles perdent leur valeur en tant qu'individu et en acquièrent un autre en tant que monnaie d'échange. Enfin, l'intérêt rend les rapports sociaux imprévisibles et la société chaotique. En effet, les calculs des uns et des autres dépendent chaque fois de la configuration des rapports de force dans lesquels ils se trouvent insérés. Lorsqu'une configuration ne paraît plus avantageuse pour l'individu, alors ce dernier l'abandonne afin d'exploiter celle qui lui convient le plus. Cette instabilité est parfaitement illustrée par les changements incessants d'alliances au sein de la famille Uzeda dans Ivicere. Dans l'Impérium, elle se manifeste à travers les incertitudes liées au vote parlementaire dû au transformisme, qui rend aléatoire et provisoire les alliances. Les résultats imprévisibles du jeu des intérêts individuels, toujours changeants, finissent par ébaucher l'image d'une société et d'une pratique parlementaire livrée au hasard. Ainsi, chez De Roberto, l'intérêt a perdu le rôle bénéfique qu'il jouait dans la société selon la pensée économique moderne. Comme le montre Albert Hirschman, l'intérêt était pensé comme une passion préférable aux autres. L'intérêt était, selon lui, une passion douce, pas selon lui, selon les philosophes, hein, les penseurs de les philosophes de la pensée économique moderne. Hein. L'intérêt était une passion douce par rapport à d'autres passions considérées comme dangereuses pour l'ordre social, telles que la colère ou l'honneur. La poursuite de l'intérêt individuel par la raison en faisait une passion prévisible et paisible. Chez De Roberto, au contraire, l'intérêt est devenu un facteur de désagrégation de la société, d'opacité dans les rapports aux autres, de réification des individus et d'accroissement du désordre du monde. Chez De Roberto, elle est devenue une passion aussi nocive que les autres. Ainsi, De Roberto ne croit pas que la maîtrise des passions par la raison puisse être avantageuse pour la société. Elle ne peut l'être éventuellement que pour l'individu, puisque la seule façon dont elle se déploie est celle utilitariste de l'intérêt. La raison est donc subordonnée à l'affirmation individuelle et permet de rendre productives les passions qui risqueraient d'amener l'individu à sa perte si elles ne sont pas contrôlées. Ainsi, chez De Roberto, passion et raison sont étroitement imbriquées. D'une part, l'emploi de la raison tire ses origines des affects et obéit à la nécessité de satisfaire les exigences de l'amour propre. D'autre part, les passions ne peuvent mieux s'imposer à s'assouvir que par le travail de la raison. Par là, De Roberto exprime en même temps sa méfiance vis-à-vis de la passion et de la raison. La même condamnation frappe deux des principales facultés de l'esprit humain. Chez De Roberto, cette représentation négative des passions et de la raison est redevable de certains éléments sécularisés de l'imaginaire chrétien et catholique, que j'ai analysé également ailleurs en ce qui concerne la représentation de l'histoire. Selon cet imaginaire, l'homme n'est pas capable de construire par lui-même une société juste et heureuse, puisqu'elle est ontologiquement marquée par un péché originel. Pour De Roberto, laïque et anticlérical, cette faute originale coïncide avec l'égoïsme. La conviction que les passions sont inéluctablement destructrices et source de malheur découle de ce principe. Les passions sont toutes blâmables, non seulement à cause des effets négatifs qu'elles provoquent, mais plus fondamentalement encore, à cause de leur nature même. Elles ne peuvent être maîtrisées que par une raison utilitariste, également néfaste. Ainsi, De Roberto parvient à une conception ontologiquement négative de l'humanité, des capacités et des facultés humaines. Si Hegel avait pu affirmer en pleine époque romantique « rien de grand au monde sans passion », De Roberto, pour sa part, semble répondre de façon péremptoire qu'il n'y a rien de bon au monde avec la passion, ni d'ailleurs avec la raison. Merci. Merci à Michela Topano pour cette très belle intervention sur les relations dialectiques entre passion et intérêt. Et en plus, merci pour avoir tenu les temps avec une précision suisse. Et y a-t-il des questions ? Oui. Oui, je peux parler fort. Je pense qu'on peut t'entendre oui. Sans micro, mais sinon il est là, hein, au cas où. Alors moi je suis en effet très intéressé par cette intervention qui met vraiment très au clair cette articulation et les problématiques entre raison et passion. Je voudrais qu'on s'intéresse peut-être à une scène qui appartient à l'univers et qui moi m'a totalement effaré. Une scène qui est allusive, qui est un peu comme ça. En passant, c'est la scène du viol sur laquelle se conclut le parcours de Gonzalo. Alors, elle est en fin de chapitre, elle est toute dans le non-dit, d'après... Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé en interprétant cette scène. Alors, comment interpréter? Parce qu'on parlait de la mise au service de la façon dont la raison parvenait à canaliser les passions dans la perspective de l'intérêt. Là, on a une dissociation soudaine, on a une sorte d'élan d'irrationalité qui fait que, en réalité, est-ce que ça n'aboutit pas, pour qu'on s'aboie à une faute politique, ce viol? Quelle valeur lui attribuer? Est-ce une valeur allégorique? Parce que, bon, là, on a de nouveau une sorte de dissociation soudaine, de déviance soudaine du parcours qui était jusqu'à présent extrêmement maîtrisé de la part de ce député vers quelque chose qui est de l'ordre de nouveau de l'instinct primitif et destructeur. Donc, quelle place attribuer à cette scène? Moi, je pense qu'en ce qui concerne cette scène, justement, c'est un rappel de cette nature que j'ai définie ontologiquement négative du désir d'affirmation. Alors que dans l'espace politique, Consalvo est obligé d'adopter la même démarche de satisfaction de son ambition, de sa soif de pouvoir de façon civilisée. Voilà, il n'est pas dans l'espace, disons, privé, il y a cette ressurgissance, mais c'est vrai que c'est une scène qui reste isolée, et je pense qu'il y a cette fonction de contrepoint, voilà, d'inciter les lecteurs à ne pas tomber dans les pièges de la pratique civilisée, c'est l'aboutissement, disons, de la... C'est l'étape dernière et c'est l'aboutissement qui permet à l'homme effectivement de maîtriser l'espace politique de façon plus civilisée. Il ne faut pas oublier qu'en réalité les pulsions sont là, elles restent là, elles s'expriment dans l'espace, dans ces cas-là dans l'espace privé, hein, dans cette pièce. C'est la piqûre de rappel du pessimisme. Moi je pense. Ouais. Surtout parce qu'en fait, c'est difficile de toute façon d'interpréter ces scènes parce que l'Impero, justement, c'est une œuvre qui n'est pas finie. Donc, on n'a pas trop de comme la scène finale. Est-ce que ces retours de Rana devaient être les retours, la fin du roman tel que de Roberto le concevait? On ne sait pas. Et cette scène, effectivement, elle est un peu. Elle est déstabilisante pour cette raison-là. Donc, moi, je l'interprète de cette façon-là. Mais. Il faut y avoir peut-être d'autres lectures, voilà. Moi, je me pose une autre question qui renvoie peut-être à une problématique plus large et qui peut avoir un aspect provocateur. C'est-à-dire, je me demande s'il n'est pas violeur parce qu'il est député. C'est-à-dire le problème de la représentation et de la question parlementaire. Donc, l'anti-parlementarisme dans l'œuvre de Robert. Oui, c'est... Je pense qu'on pourra peut-être y revenir à d'autres moments. C'est possible, parce que dans les mêmes domaines, il y a aussi une scène où il y a les différents députés, il y a Gonzalo avec son Nino qui se retrouve à un moment donné aussi dans une maison close. Hein. Donc, il y a toujours ces... C'est possible, il y a aussi cette lecture-là, qui n'exclut d'ailleurs la lecture que j'ai proposée avant. Voilà, il ne faut pas oublier que même si la pratique politique est devenue plus civilisée par rapport à la pratique des dominations des anciens Ozeda, en fait, il y a toujours la même dimension violente, instinctive et primitive qui peut être symbolisée par la scène dont votre collègue parlait et aussi par cette scène de la maison close. En gros. Bon, je reparlerai un petit peu cet après-midi, donc je ne vais pas trop insister. Il y a plusieurs interprétations en fonction effectivement aussi des différentes rédactions du roman L'Impero qui est inachevé et qui effectivement, bah, j'essaierai de l'expliquer, correspondait à certains moments à un projet de voulait aboutir sur l'échec de Ronsard, aussi bien personnel dans sa vie privée que politique, et qui, étant inachevé, eh bien, permet beaucoup plus d'interprétations sur effectivement la nature même de ce viol comme échec ou comme réussite. Hein. Donc l'interrogation reste, parce qu'effectivement, on n'a pas la suite, c'est-à-dire on n'a pas la suite de la carrière politique de Ronsard, donc qui aurait pu soit mettre ce viol comme une première marque de l'échec dans la vie privée avant l'échec politique, ou bien comme succès, on ne sait pas. Il y a aussi un parallèle à faire avec le personnage qui est parallèle, qui est Rinaldi, et qui, lui, se marie. Donc le mariage... Prévoit de se marier. Oui, prévoit de se marier, mais justement, enfin, c'est le final qui est identique. Et on peut se demander si, au fond, Rinaldi est devenu aussi corrompu que Consalvo à la fin, en tout cas aussi pessimiste. Et on peut, enfin, il y a eu une sorte de flèche, quoi, d'indication. Andrea Fabiano voulait dire quelque chose. Oui, je voulais revenir sur l'utilisation que vous avez fait plusieurs fois de la notion de liberté associée au personnage de Raymonde. Alors, je trouve que dans votre dispositif, il y a celui d'une tension entre passion aveuglante et intérêt, l'espace de la liberté n'existe pas. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez pour liberté lorsque vous l'associez à ces personnages. En fait, cette passion d'affirmation de soi, hein, de ne pas vouloir être... liberté de toutes contraintes. Hein. Peut-être je reviens effectivement l'utiliser d'une façon différente. C'est possible à Raymond, ce n'est absolument pas une liberté. Non, effectivement. Effectivement, j'aurais dû peut-être nuancer. Et d'ailleurs, quand je montrais justement les effets pervers de cette volonté qui le pousse à s'affirmer contre la volonté de tous, peut-être que c'était plutôt comme ça que j'aurais dû le dire. Effectivement, il l'amène par l'enchaîner. Il finit par l'enchaîner. Donc oui, effectivement, j'aurais dû peut-être modifier un petit peu l'expression, utiliser une autre. Non, parce que l'idée de liberté pour nous, bien c'est sûr. Quelque chose de positif. Bien non, sûr. Ça nous sert d'un personnage en quête de liberté. Bien sûr. Ce n'est pas, au moins, notre but, c'est absolument pas le cas. Peut-être une question, mais très, très marginale et lexicale, parce que dans les échanges, on a entendu autour de votre intervention sur la passion des concepts proches mais distincts, appétit, instinct, pulsion. Et je voulais savoir, d'après votre lecture des textes théoriques également de Deroberto, comment se présente, disons, l'éventail de termes qu'utilise Deroberto pour tourner autour du concept de passion. Oui, ce sont ces termes-là, ces passions, instinct et appétit. Ce sont effectivement les trois termes qu'il utilise de façon interchangeable. Interchangeable, ou est-ce qu'il introduit une nuance sémantique entre les différents, une gradation, une hiérarchie? Non, parce que justement, il instaure un lien très très étroit entre les manifestations psychologiques et cet élément de base de nature scientifique, l'enfant de survie. Donc, il les utilise tous les trois de la même façon. Moi, j'avais encore une question. Est-ce que dans la définition de l'amour de soi comme matrice de toutes les passions, moi, ça m'évoque bien sûr Léopard énormément, et je sais que Deroberto était un lecteur attentif de Léopard, mais cependant, j'imagine, à cause des dates, pas vraiment de Léopard, du Paldone, qui développe ces questions-là. Dans quelle mesure cette définition de la passion par l'amour de soi, donc passion égoïste, est aussi une lecture ou un rappel de Léopard? Est-ce que vous pensez que le lien est possible ou juste? Non, bien sûr, je pense que le lien est indéniable. Deroberto, il a écrit une monographie sur Léopard qui s'appelle Léopard, justement. Elle n'a pas fait preuve de grande imagination. Et oui, la seule différence, c'est que Deroberto, justement, renforce une conception assez proche de celle de Léopard, avec tout l'appareillage scientifique de l'époque. Voilà. Bon, je vais donner la parole à Stéphanie Lanfranchi, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon et qui a travaillé sur la critique littéraire dans l'Italie fasciste et sur les problèmes de réception en littérature, et qui va nous parler de Modernità e Decadenza in De Roberto. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je remercie surtout Aurélie d'avoir organisé cette journée, de m'y avoir invitée, même si je ne suis pas, vous venez de l'apprendre, je ne suis pas spécialiste de De Roberto, mais en tant qu'enseignante, donc en tant qu'enseignante qui prépare des candidats à l'agrégation d'italien. Et c'est en tant que telle que j'ai conçu mon intervention aujourd'hui, qui ressemblera à une leçon d'agrégation dans sa méthodologie, dans son articulation, même si je tenterai d'apporter peut-être des spunti. Un peu extérieur. Et donc, comme je me prête à l'exercice de la leçon, je la fais en italien. Je passe en italien. Quindi, modernità e decadenza. Vorrei proporvi oggi una riflessione su due concetti classici, modernità e decadenza, nell'opera di De Roberto, tentando di stabilire un nesso forse meno classico tra i due termini del binomio e di stabilire una problematica nella quale essi siano strettamente correlati. La prima semplice ma pur importante constatazione a riguardo è che nel caso di De Roberto la definizione correlante più spontanea, che consisterebbe nel presentare la modernità contro la decadenza, cioè come lotta contro la decadenza e quindi come una forma di progresso, non trova riscontro nell'opera di De Roberto. La modernità come lotta contro la decadenza, che poteva essere il motto di un certo pensiero positivista e progressivo dell'Ottocento, non trova eco nei romanzi di De Roberto da noi studiati. In questi testi, modernità e decadenza non sono quindi da intendersi come un binomio antinomico, in altre parole, la modernità non esclude affatto la decadenza. Vedremo che anzi, in De Roberto, la decadenza, lungi dall'essere respinta o combattuta dalla modernità, fa parte integrante di essa. Vi è una forma di decadenza nella e della modernità, potremmo dire. Ma vedremo anche che, dopo aver studiato da più vicino i due testi dei robertiani in programma, è possibile allargare tale discorso non solo ad altre opere di De Roberto, ma addirittura a tutta una corrente filosofica ed artistica di fin de siècle, che si riscontra in molte opere dell'epoca. Cercheremo quindi, ogni volta che il parallelo e il dialogo con altri pensatori e artisti europei ben noti a De Roberto sembrerà opportuno ai fini del discorso, di ampliare la prospettiva, e per fare ciò mi servirò innanzitutto delle considerazioni e della tesi di un eminente storico italiano, Emilio Gentile, che in un libro del 2008, intitolato L'Apocalisse della modernità, ha studiato proprio questo, cioè il modo in cui molti artisti e pensatori dell'epoca hanno sviluppato una concezione negativa della modernità. Il modo in cui negli ultimi anni dell'Ottocento e nei primi decenni del secolo successivo, che pure vengono chiamati gli anni della Belle Époque, hanno maturato la profonda convinzione che la modernità portasse in sé i germi stessi della decadenza, nonostante i progressi materiali, nonostante i progressi tecnologici, e che fosse quindi inevitabilmente destinata a finire in modo apocalittico e violento. Ci chiederemo quindi se nonostante vivesse in una Catania senz'altro molto lontana dalle metropoli europee, De Roberto abbia sviluppato una concezione della modernità e della sua intrinseca decadenza che trova echi profondi nel pensiero occidentale di artisti e filosofi francesi, inglesi, tedeschi e ungheresi. In altre parole, ci chiederemo se nel pensare alla decadenza De Roberto non sia profondamente moderno. Per illustrare questa ipotesi procederemo in tre tempi. Dapprima, quindi, studiando gli elementi che nelle due opere di De Roberto, I Viceré e l'Imperio, indicano una forma di critica, anzi una forma di negazione del progresso, inteso innanzitutto come progresso tecnologico. Negare il progresso equivale a negare il fatto che la modernità sia fautrice di progresso per l'umanità, e quindi equivale a fare l'ipotesi che la modernità non significhi un progresso, ma anzi un possibile regresso o decadenza della civiltà. Vedremo poi in una seconda parte che questa negazione del progresso materiale si traduce in una visione profondamente pessimistica della modernità come decadenza, a livello della civiltà e quindi della storia, ma anche a livello dei singoli individui e quindi della razza. E nella terza ed ultima parte vedremo però che, nonostante la visione profondamente pessimistica che scaturisce da questo pensiero della modernità e della decadenza nell'opera di De Roberto, pertanto esso non si risolve in una condanna generale. In effetti la definizione che De Roberto dà dell'arte, compresa la propria arte, e il posto che riserva all'arte moderna, all'arte seppur degenerata della modernità, sono complessi, ma forse in fin dei conti piuttosto positivi. Quindi comincio con la prima parte, la negazione del progresso. Potremmo cominciare innanzitutto con l'interrogarci sulle forme di presenza e di rappresentazione della modernità, intesa alla fine dell'Ottocento come civiltà occidentale, industrializzata, urbanizzata, nelle due opere di De Roberto. E per giungere ad una campionatura semplice ma significativa in questo senso, vi propongo di studiare la presenza di tre elementi che nella celebrazione di fine secolo della scienza e del progresso tecnologico incarnano proprio tre miti della modernità. Tre miti della modernità poiché sono tre scoperte relativamente recenti e sconvolgenti, e in quanto soprattutto modificano il rapporto al tempo, con la velocità, i rapporti con la comunicazione tra gli uomini. Questi tre elementi, questi tre miti della modernità sono il treno, il telegrafo o telefono e l'elettricità. Ora, se consideriamo questi elementi, appare chiaramente che, benché siano rappresentati in modo affatto diversi nei Viceré e nell'Imperio, De Roberto finisca con giungere ad una conclusione simile nei due casi, ovvero alla negazione della modernità come progresso. Dunque, nei Viceré vediamo che i Viceré si svolgono in un mondo provinciale, di piccola città, che non è confrontata al trauma dell'urbanizzazione e dell'industrializzazione, dove la campagna non è mai distante e dove quindi la modernità da questo punto di vista non è tanto visibile. E difatti, se studiamo la ricorrenza di questi tre, di quei tre elementi che vi dicevo, il treno, l'elettricità, il telegrafo, ce n'è una scarsissima presenza, li ho contati, sono meno di sei, più o meno sei le occorrenze per tutti e tre. Ve ne cito solo un esempio, o due esempi più significativi: quello di Consalvo, che quando torna trasformato dal suo viaggio in Europa, dove ha visto le vere metropoli, dove ha visto la vera ricchezza, il vero lusso, la vera modernità, non a caso avvisa i parenti del suo ritorno per telegramma e torna in treno, allora lo vanno a cercare alla stazione. E soprattutto l'allusione alla sua campagna politica, nel suo discorso pubblico, Consalvo cosa promette? Promette, cito, una riforma postale e telegrafica, la legislazione dei telefoni. Insomma, quindi una scarsissima presenza di questi simboli della modernità, e essi, quando sono usati solo dalla classe più agiata e soprattutto dall'ultima generazione di questa famiglia, come a dimostrare che i progressi tecnologici della civiltà moderna non sono arrivati fino a Catania e comunque non hanno notevolmente trasformato la vita dei siciliani, anche se il desiderio era probabilmente presente nella popolazione, visto che Consalvo ne fa una promessa elettorale. Ma d'altronde si noti che il progresso materiale ma anche sociale e morale è una parola ricorrente, anzi è la parola ricorrente della campagna politica di Consalvo, ma che non si traduce in realtà concrete. La parola progresso diventa una vuota parola elettorale che Consalvo, come tutti i membri della sua famiglia, in realtà detesta, soprattutto quando è associata appunto ad un'idea di progresso sociale, di educazione delle masse, di democrazia, perché chiaramente comporterebbe questo progresso comporterebbe una minaccia per il potere della famiglia. Questo per i Viceré. Nell'Imperio invece la situazione, vediamo, è ben diversa. Il progresso tecnologico e materiale è maggiormente rappresentato e vi si trovano più ricorrenze di quei tre elementi studiati prima: il treno, l'elettricità e il telegrafo. Questa maggiore ricorrenza certo non ci stupisce, poiché non solo il romanzo è impostato negli anni successivi rispetto ai Viceré, ma perché soprattutto è cambiato il quadro e siamo ora nella grande città, siamo a Roma. Si nota in particolare subito l'importanza di questi tre elementi nel quotidiano della vita politica del nuovo Stato italiano in generale e quindi in particolare nella vita di Consalvo deputato. Vi sono numerosi esempi, ve ne cito uno in particolare. Nel primo capitolo si fa allusione al fatto che i deputati assenti potrebbero venire velocemente per votare, arrivare quindi in Parlamento velocemente perché possono prendere un treno dal nord Italia, però notate bene, potrebbero arrivare velocemente e votare in tempo. Oppure anche usata spesso la metafora dell'elettricità per descrivere la tensione del dibattito politico. Ma questa visione, diciamo tutto sommato scontata, dell'uso degli strumenti moderni nella vita politica italiana si scontra ad un'altra visione della modernità molto più problematica e interessante nel romanzo parlamentare. Non è più la visione di Consalvo, bensì quella del suo personaggio antitetico Federico Rainaldi. Ho detto più interessante perché, come tutto il personaggio di Federico, anche la sua visione della modernità subisce un radicale cambiamento dall'inizio alla fine del romanzo e si passa cioè da una visione ottimistica ad una visione pessimistica. Da piccolo Federico Rainaldi mostra di apprezzare la modernità e i suoi frutti materiali, racconta i numerosi trasferimenti della famiglia che tanto pesavano ai genitori, invece lui se ne rallegrava come un piacere proprio, e proprio per via dei mezzi di trasporti che prendevano il treno, il piroscafo in particolare. Ma quando invece nel nono capitolo Federico è invecchiato e sono svanite le sue illusioni e le sue speranze, Federico getta uno sguardo disincantato sui progressi della modernità di cui denuncia solo la vacuità, ma non solo la vacuità, anche il pericolo. Federico sta passeggiando, solitario, infelice, sulle alture di San Giovanni e osserva il paesaggio trasformato, anzi deformato, dalle nuove macchine umane. Cito: «Mentre i piroscafi solcavano il golfo, sporcando il cielo di fumo, i treni strisciavano tra le valli e i monti, entravano nei trafori, ruttando anch'essi, fischiando, rumoreggiando. Due glorie della scienza, due trionfi della civiltà, che importava arrivare un poco più presto o un poco più tardi? In che cosa lo stato umano si era avvantaggiato dell'invenzione di quelle macchine? Quali sofferenze avevano sopportato e sopportavano i popoli che le avevano ignorate e ignoravano ancora? Ai vantaggi corrispondevano i rischi, né quelle macchine andavano da sole. C'erano uomini nelle loro viscere, dinanzi alle fornaci ardenti e alle bollenti caldaie, al posto della pena e del pericolo. La via era segnata dai pali del telegrafo. Appoggiandosi a qualcuno d'essi, egli udiva una musica eolia. Anche quell'altra invenzione, tanto decantata, non procurava agli uomini nessun reale beneficio. Senza l'elettricità, essi avevano egualmente comunicato fra loro. La scienza non aveva nulla creato. E poco più giù, conclude, il progresso era tutto apparenza, illusione e presunzione. Ho voluto leggere questa lunga citazione perché essa riassume, nelle pagine conclusive e amare del ciclo degli Uzeda, tutta una visione della modernità e dei suoi miti che, ben lungi dall'esaltare il progresso della tecnologia e della scienza come fattore di progresso morale e storico, ne mostra l'inconsistenza e addirittura ne mostra il pericolo. Le macchine sono mostruose, deformano il paesaggio, fanno soffrire gli uomini, li rendono più pazienti e più infelici. L'umanità sta peggio di prima e la modernità così rappresentata è una modernità sofferta, lanciata in un lungo e travagliato e violento processo che la conduce, che la condurrà alla fine della civiltà umana. Nell'Impero, quindi, la visione pessimistica della modernità assume un aspetto che potremmo definire apocalittico. Poche frasi dopo il passo che vi ho appena letto, ecco che la visione della città si deforma e De Roberto descrive la degenerazione della modernità come un cancro, come un orribile cancro che a poco rode e annienta il paesaggio. E conclude dicendo: «E un simile processo, con maggiore o minore intensità, cito, si ripeteva dove erano gli uomini. Dalle pulidi dei villaggi ai terribili carcinomi delle metropoli, la degenerazione cancerosa si diffondeva dappertutto». Vediamo dunque che il ciclo degli UZ si conclude su una negazione del progresso che diventa una rappresentazione apocalittica, totalmente pessimistica della modernità. E siamo quindi giunti alla questione del destino dell'uomo e della sua civiltà, ovvero alla nostra seconda parte. Penso che possa essere interessante ai fini del nostro argomento paragonare questa lettura apocalittica della storia data da Federico e confermata, ricordate, qualche pagina dopo dalla celebre tesi dei geoclasti, che sebbene in termini diversi ripropone un modello apocalittico di fine dell'umanità. Confrontare questa doppia lettura apocalittica della storia data da Federico e posta strategicamente a fine non solo dell'impero ma quindi del ciclo degli UZ alla concezione della storia che viene invece affermata dal personaggio di Consalvo alla fine dei Viceré, quando nell'ultimo capitolo del romanzo Consalvo dice alla zia Ferdinanda che, cito, aveva ragione Salomone quando diceva che non c'è niente di nuovo sotto il sole. E gli propone una visione anch'essa profondamente pessimistica della storia, l'idea cioè di un eterno ripetersi delle cose, degli eventi, delle stesse ingiustizie, della stessa infelicità umana. A ben guardare però questa visione ciclica della storia non esclude né la definizione di una modernità storica ben distinta dalle altre epoche, né l'individuazione di una decadenza. La modernità storica nei Viceré è chiaramente rappresentata dal Risorgimento. Il Risorgimento è il cambiamento epocale che dovrebbe trasformare in modo radicale le regole del potere e della vita sociale in Sicilia come in tutta Italia. Nel descriverci però i cambiamenti operati in Sicilia dal Risorgimento, De Roberto presenta sistematicamente la modernità da esso rappresentata come un'illusione, come un'apparenza. Come dice lo stesso Consalvo, sempre la zia Ferdinanda, nell'ultimo capitolo, cito, la storia è una monotona ripetizione, gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi, le condizioni esteriori mutano. Certo, tra la Sicilia di prima del 60, ancora quasi feudale, e questa d'oggi, pare ci sia un abisso, ma la differenza è tutta esteriore. Il Risorgimento per De Roberto non ha modificato profondamente la struttura feudale del potere, lasciandovi le medesime persone e lasciando che esse continuassero ad agire nello stesso identico modo coi medesimi soprusi. Significativo in questo senso è l'episodio di Consalvo che ancora nel 1870 si comporta come un seicentesco Don Rodrigo che sequestra una giovine per 3 giorni. La modernità storica è quindi nei Viceré semplice apparenza e invece non è solo apparente la decadenza. Decadenza dei luoghi, si pensi alla descrizione del monastero alla fine dei Viceré di cui si accentua la devastazione, ma soprattutto decadenza, decadenza e degenerazione della razza degli UZ. Dunque, noi sappiamo dalla lettera del luglio 1891 all'amico Ferdinando Di Giorgi che l'intento di ritrarre, cito, il decadimento fisico e morale di una stirpe esausta era il primo intento espresso da De Roberto quando comincia a scrivere il suo romanzo. E difatti vediamo quanta parte abbia il tema della degenerazione fisica dei personaggi nella serie di medaglioni che sin dai primi capitoli De Roberto ci offre. La famiglia degli UZ presenta tutti i segni della degenerazione. Sia nella bruttezza, Don Eugenio, Lucrezia, sia nella bellezza, si pensi per esempio alla bellezza di Raimondo o di Teresa soprattutto. Bellezza e bruttezza che sono entrambe presentate come anomale, patologiche. E la degenerazione descritta da De Roberto nei Viceré non è solo fisica, è anche psicologica, e così si spiegano i comportamenti umani, i comportamenti maniacali e irrazionali che sotto forme diverse manifestano quasi tutti i membri della famiglia UZ e che in alcuni di loro, come Ferdinando e Don Eugenio, sfociano proprio nella pura follia. Ed è anche degenerazione morale, si pensi alle varie forme di lussuria, di rapporti malsani col sesso nei Viceré, Chiara col marito quando scopre che non può avere figli e soprattutto nell'impero le scene che abbiamo citato poc'anzi nella discussione. In epoca moderna quindi la razza degli UZ è una razza fisiologicamente decaduta, L'orribile aborto di Chiara, che nel nono capitolo della prima parte partorisce, cito, un pezzo di carne informe, una cosa innomabile, un mostro, riassume e simboleggia la degenerazione della razza degli Uzeda e sembra indicarne la fine ineluttabile. A questo punto però mi sembra interessare allargare un po' la prospettiva per capire quanto fosse originale la rappresentazione della degenerazione e del suo rapporto con la modernità. Vorrei introdurre in particolare l'opera che si chiama Degenerazione, pubblicata nel 1892 da Max Nordau, un medico e scrittore ungherese stabilitosi a Parigi. Il libro di Nordau sviluppava la tesi di un pericolo di degenerazione umana, sia fisica che soprattutto morale, a causa della modernità, cioè a causa dei cambiamenti sconvolgenti prodotti dalla modernità. Il libro Degenerazione riscontrò un enorme successo, fu tradotto in molte lingue e ristampato varie volte, ma penso che si possa senz'altro accogliere l'interpretazione dello storico Emilio Gentile quando afferma che la fortuna di questo libro, che fu enorme ancora una volta, non dipende tanto dall'originalità delle tesi di Nordau, ma dal fatto che egli abbia riassunto, compendiato, molte idee molto diffuse all'epoca sulla modernità, sui rischi della modernità e sulle perversità della modernità, sull'intrinseca decadenza che sta nel progresso stesso. Ma se il tema della degenerazione, della decadenza fisica e morale degli uomini in piena modernità è un tema molto attuale, molto alla moda, potremmo dire, vi è senz'altro una differenza importante tra le cause della degenerazione identificate da Nordau e quelle di De Roberto, identificate da De Roberto. Per Nordau l'uomo degenerato è l'uomo della metropoli, è l'uomo scombussolato dalla nuova vita urbana e industriale. La sua degenerazione è presentata come una reazione di fronte a questi cambiamenti della modernità. Invece gli Uzeda degenerati abbiamo visto che non vivono affatto in questo ambiente moderno nei viscerè, che questi cambiamenti non li hanno sperimentati e quindi non possono essere considerati responsabili della loro degenerazione. La decadenza degli Uzeda è dovuta semplicemente al passare dei secoli, alla consanguinità ma anche alla mescolanza. Quindi De Roberto ce la presenta piuttosto come un processo temporale e quindi ineluttabile e rimanda a una concezione appunto ciclica della civiltà che dopo una nascita, lo sviluppo, raggiunge l'apice e poi inevitabilmente decadono. Ho detto poc'anzi che l'aborto di Chiara segnava simbolicamente la fine di quel processo di decadimento della razza degli Uzeda. Eppure, qualche pagina dopo averci narrato questo aborto, De Roberto ci mostra come proprio la storia, proprio la modernità rappresentata dal Risorgimento sembra dare una nuova opportunità alla famiglia degli Uzeda per arretrare questo ineluttabile, rallentare questo ineluttabile processo di decadenza. L'opportunismo politico del Duca d'Aragua, che appunto in quelle pagine viene eletto deputato nel primo Parlamento italiano, e soprattutto l'opportunismo politico di Consalvo nei viceré e nell'Imperio, ma anche l'opportunismo finanziario dimostrato dal Duca, dal Don Blasco, da Zia Ferdinanda, che sanno cogliere le occasioni create dai nuovi ordinamenti per arricchirsi e quindi fare gli affari loro ora che è fatta l'Italia, per riprendere la parodia proposta da De Roberto, tutti questi atteggiamenti dimostrano un'attitudine al cambiamento nei membri della famiglia Uzeda, un'elasticità mentale, insomma un vigore nuovo che, se non arrestano proprio il processo di decadimento, perlomeno lo rallentano. Lo rallentano e non lo arrestano perché noi sappiamo, da un'allusione del nono capitolo dell'Imperio, che la carriera di Consalvo, rappresentante del nuovo potere degli Uzeda nell'Italia postunitaria, si è conclusa in modo molto negativo. In altre parole, sappiamo che il ciclo degli Uzeda si chiude comunque sullo scacco finale della famiglia degli Uzeda. E anche perché, quindi rallentano, non lo arrestano, perché la degenerazione degli individui non viene risanata, nonostante il nuovo vigore economico e politico. Le malattie fisiche e mentali sono reali e portano i personaggi ad una morte spesso precoce e generalmente crudele e dolorosa. E quando non è la morte, è la follia, che sotto varie forme minaccia gli Uzeda. Consalvo cresce ed evolve col terrore di diventare pazzo come molti dei suoi familiari. Ora, la follia come malattia della psiche malattie dei nervi è per noi particolarmente interessante, non solo perché diventa sulla fine dell'Ottocento la malattia della modernità, ma anche e forse soprattutto perché la follia fa parte della definizione dell'arte moderna, così come la formula De Roberto, e passo alla mia terza parte. In una lettera del 91, sempre indirizzato all'amico di Giorgi, De Roberto scrive, cito: «L'arte è il supremo inganno e l'ultima superfetazione, ma bisogna mettere dell'ordine in questa pazzia». La citazione non è importante solo per se stessa, ma anche per la data in cui fu scritta, 1891. Siamo quindi in un momento relativamente euforico e estremamente fecondo in cui De Roberto è lanciato a pieno nella stesura del suo ciclo. Un momento di grande produttività, e difatti si sente in queste parole, certo una radice pessimistica leopardiana: l'arte è un inganno, è un'illusione, ma oltre questo pessimismo si avverte chiaramente l'impronta di un certo ottimismo della creatività. Ottimismo, parola pertanto rara per parlare di De Roberto, che sta nella convinzione che sia possibile mettere dell'ordine in questa pazzia che è l'arte, e sul quale vorrei adesso soffermarmi perché esso presenta dei caratteri molto originali. Per comprendere quale fosse la posizione di De Roberto può essere utile andare a rileggere quanto scriveva qualche anno prima, il 22 aprile 1888, sul poeta forse più noto della decadenza moderna, Baudelaire. In questo articolo De Roberto difende Baudelaire dalle accuse mosseli da Ferdinand Brunetière, che accusa il poeta di essere falso e malsano, di essere un ammalato. Ora De Roberto si indegna di fronte a questa accusa, perché la malattia non è secondo lui un peccato artistico. Dice: aver la febbre sarà dunque considerata da oggi in poi, secondo la nuovissima logica, un'ostentazione? E si indegna dicendo: no, addirittura è la malattia costituisce l'originalità dell'opera di Baudelaire. E costituisce per De Roberto l'originalità della sua opera, ma lo è, essa è diventata un vero valore artistico. Ma attenzione, lo è diventata, ovvero non è un valore in sé, lo è diventata attraverso un lavorio continuo, una coscienza artistica alta, ambiziosa, e per De Roberto la maggiore forza di Baudelaire consiste proprio in questo lavoro indefesso, diretto a trovare la rima giusta, l'assonanza giusta, dove ritroviamo appunto la definizione de robertiana dell'arte e la sua volontà di mettere dell'ordine in questa pazzia. Quindi il lavoro, l'ordine, fa passare l'arte dallo stadio potenziale in cui esso è solo pazzia, malattia, all'atto sublime della creazione artistica, dell'opera d'arte. E ciò che conta per noi oggi è che quest'opera non è meno sublime oggi, all'epoca della modernità, della decadenza, di quanto non lo fosse secoli addietro. Ecco come conclude De Roberto su Baudelaire, dice: è un malato, ma del suo male chi è di noi che più o meno non soffra o non abbia sofferto? È il male stesso dei nostri tempi, di questa civiltà troppo vecchia, di questo progresso che finisce per essere una decadenza. Come ogni albero porta il proprio frutto, ciascuna età ha la propria arte. Carlo Baudelaire è il più grande poeta di questo scorcio di secolo. Quindi De Roberto afferma qui delle posizioni sull'arte moderna come frutto di una civiltà che decade nel progresso, ma che pur sempre frutto è, e frutto magnifico. E queste posizioni in realtà sono abbastanza originali rispetto a quello che si leggeva allora su questo argomento, per esempio appunto nelle opere di Nordau, Degenerazione, che vi ho citato, ma anche un altro testo che si chiama Psicofisiologia del genio e dell'ingegno. De Roberto è stato un lettore attento di questi libri di Nordau, e da questa lettura ha tirato fuori una serie di testi, di articoli e di testi. In Degenerazione, Nordau sviluppa la teoria secondo la quale l'uomo degenerato per eccellenza nella società moderna è l'artista. L'artista è un essere nevrotico, squilibrato dagli entusiasmi e dalle reazioni patologiche, e Nordau considera gli artisti tanto più pericolosi in quanto le loro opere sono ammirate e quindi hanno una certa influenza. Condanna allora con parole molto dure, addirittura ingiuriose, gli artisti della modernità, li accusa di essere il veicolo, la causa della decadenza della civiltà. E in psicofisiologia del genio e dell'ingegno, poi Nordau finisce col negare il valore del genio artistico, che considera inferiore rispetto agli altri geni scientifici, giuristi, eccetera. E De Roberto invece difende la pari identità del genio artistico e letterario rispetto agli altri, ricorrendo a vari argomenti, tra cui quello su cui insiste di più e che ci interessa di più è l'utilità della loro opera. Poeti ed artisti rispondono, secondo De Roberto, a un vero bisogno morale degli uomini moderni. Cito: «E se gli artisti che il Nordau tratta con tanta irriverenza sono apprezzati ed amati, ciò accade precisamente perché la gente è capace di intenderli. Essi non ci sono già piovuti dalla luna, escono anzi dalle vive viscere di questa nostra società, dove non usa più portare alla cintura il cuoio capelluto dei nemici uccisi in guerra, ma si provano nuovi bisogni morali che chiedono urgentemente di essere appagati». Quindi la tesi che De Roberto sviluppa contro Nordau ha dunque veramente una matrice positiva, perché si tratta di difendere l'utilità e il beneficio delle arti e della poesia, e segnatamente il valore anche morale di un'arte, quando anche essa fosse il frutto di uno spirito malato e più generalmente di una società malata, di una modernità decaduta. In altre parole, De Roberto difende il lavoro dello scrittore come genio che sa trasformare, mettere ordine nella patologia e nella pazzia per renderla qualcosa di beneficio, benefico e di utile. Quindi, per concludere rapidissimamente, possiamo dire che dal punto di vista della storia e dell'umanità De Roberto ci propone un triplo pessimismo. Il pessimismo della storia, che consiste nel dire: ora stiamo godendo di i frutti materiali della modernità, ma essi non ci rendono migliori, anzi ci fanno decadere e ci portano inevitabilmente come un cancro verso la nostra fine, ed è, diciamo, un pessimismo apocalittico. Ma anche un pessimismo, un secondo tipo di pessimismo, che consiste nel dire: la modernità e il cambiamento sono solo apparenti, perché in realtà niente cambia. E qui ritroviamo invece un pessimismo di stampo più nietzscheano, un pessimismo dell'eterno ritorno. Ed infine anche un terzo tipo di pessimismo, che consiste nel dire che l'umanità, vista dalla Sicilia e dall'Italia, è in preda a un lento e ma inequivocabile declino, sia fisico che psichico e morale, che determina non solo una degenerazione a livello individuale, ma anche una decadenza della civiltà. E quindi è un pessimismo antropologico, ma anche storico. La civiltà ha già cominciato quel processo di decadenza che lo porterà alla fine. E quindi la modernità non è l'apice della civiltà, ma potremmo dire l'inizio della fine. E l'uomo d'eccezione, come Consalvo, può solo cercare di trovare gli elementi, gli espedienti per rallentare questo processo, ma non lo può sviare. Tuttavia, questo triplo pessimismo, che sembra dover indicare una concezione radicalmente e integralmente negativa del binomio modernità-decadenza, viene parzialmente rischiarato da una luce, seppur tenue ma importante, una forma di ottimismo nella concezione della modernità artistica, poiché quando l'artista vi consacra appieno il suo genio del suo lavoro, diventa un'espressione sublime della decadenza. Certo, ho parlato qui di una concezione dell'arte che, vedete bene, De Roberto delinea tra la fine degli anni Ottanta, l'articolo su Baudelaire dell'88 e il 1900, il testo di Il colore del tempo del Novecento, ovvero in un periodo che sia dal punto di vista autobiografico corrisponde a un momento di produzione ancora intensa, ma che comincia a decadere con il successo dei primi romanzi, e un periodo in cui i sintomi della malattia che lo farà soffrire tutta la vita si annunciano con un'acuità sempre maggiore. Non è detto che De Roberto abbia saputo mantenere nel corso dei decenni successivi, relativamente bui della sua esistenza, questa tenue luce di ottimismo creativo, questo equilibrio precario tra malattia e lavoro, questa tensione continua della modernità artistica col suo rischio continuo di decadere nella decadenza. Penso soprattutto a quella famosa lettera del 24, sempre all'amico di Giorgi, in cui dice: le illusioni non ne abbiamo più né tu né io. Ora che ho 63 anni e che ho sospeso la mia attività, come se alla fin fine la malattia avesse avuto la meglio sul lavoro, la realtà avesse avuto la meglio sull'illusione, la decadenza sull'eccellenza, la morte sulla modernità, e il pessimismo sull'arte. Scusatemi, sono andata un po' veloce sulla fine. Grazie. Merci à Stéphanie Lanfranchi. Et y a-t-il des questions? Voilà, Fabiano. Sì, la ringrazio per l'apertura che lei ha fatto, però sinceramente devo dire che per me c'è un problema di fondo che vorrei che lei affrontasse, perché necessita un chiarimento. Nelle sue prime due parti, per rimanere nella logica della dissertazione, lei ha dato per scontato che l'opinione espressa dai personaggi fosse l'opinione di De Roberto, poiché il suo discorso sul pessimismo nei confronti della modernità è quello che è veicolato dalla parola o dall'azione dei personaggi. Quindi si tratta di vedere se effettivamente i personaggi sono portavoce dell'autore o se in realtà i personaggi hanno un funzionamento autonomo legato a un'ottica di analisi verista. Dallo stesso punto di vista, nel momento in cui lei quantitativamente mi dice che non si parla di treno, di elettricità e di telefono in Sicilia, è un dato di fatto, non ci sono. Laddove invece forse l'esempio più interessante sarebbe stato quello di citare l'azione politica del Duca d'Oragua che vuole introdurre la ferrovia in Sicilia. Allora, la introduce perché ci vuole guadagnare sopra o perché è favorevole alla modernità che l'introduzione della ferrovia in un sistema bancario moderno può effettivamente essere per la Sicilia? Allora, sulla scelta dei tre miti, del treno, del telegrafo e dell'elettricità, in realtà quando ho fatto questa scelta non sono partita dai romanzi di De Roberto, ma dal testo che vi ho citato di Emilio Gentile, che mostra come questi tre elementi siano proprio tre miti ricorrenti nella letteratura dell'epoca, usati proprio come miti. Con una funzione mitologica, e quindi anche certamente questo corrisponde ad una realtà storica, però mi sembrava importante, interessante questo vincolo alla letteratura e alla produzione coeva, alla quale secondo me De Roberto non poteva non essere sensibile e non essere attento, tanto più che appunto lo evoca sì come promessa, ma non come realizzazione, come promessa elettorale, ma non come realizzazione avverata. Sì. Quanto invece alla problematica, in effetti più profonda e più problematica dei personaggi che non sono portavoci diretti di De Roberto, su questo non avrei dubbi. Tuttavia mi sembra che non ho voluto concentrarmi unicamente su quanto esprimevano i personaggi. Per esempio, appunto, questa analisi, semplificata delle occorrenze della modernità, mi sembra che sia una presentazione a prescindere dalla voce dei personaggi. E in effetti sì, ho usato la voce dei due personaggi antitetici, Consalvo e Federico Rinaldi, perché mi sembra interessante proprio il dialogo tra queste due voci del pessimismo, tra queste due voci diverse del pessimismo, senza voler chiarire a priori e definitivamente quanto corrispondano al pessimismo di De Roberto, penso di poter dire che hanno una voce, trovano eco nelle forme di pessimismo de robertiano, entrambi i pessimismi, sia dell'uno che dell'altro. Quindi direi che ho usato questi due momenti strategici, la voce di questi personaggi nei due momenti strategici del finale, dei viscere e dell'imperio. Moi, je voudrais te remercier d'abord pour l'impostation de la problématique de la décadence, qui est évidemment un thème central dans l'œuvre de Roberto. Pour répondre à la question posée par, c'est-à-dire, est-ce que les personnages sont des porte-parole ou pas de l'auteur? Je pense que c'est une question effectivement difficile, d'autant plus que moi je crois qu'il y a un problème de Roberto, c'est-à-dire qui est de Roberto. On a très peu, me semble-t-il, d'éléments biographiques. pour en juger. Mais il y a quand même des lettres auxquelles tu as fait allusion qui ne sont pas des œuvres littéraires en soi, c'est-à-dire qui sont des témoignages. Donc il y a quand même des éléments objectifs qui permettent d'y voir un peu clair dans la personnalité de notre lettre. Par ailleurs, comme on a des textes, il faut bien parler des textes, puisque c'est de ça qu'il est question. Donc, sur la question, moi je me pose des questions là encore. J'ai deux, trois idées, mais je. C'est-à-dire sur la question d'abord de la décadence des États. Je crois qu'il y a un problème fondamental qui est celui de l'origine même. C'est-à-dire, ce sont des Espagnols d'origine. Et donc, d'anciens conquérants. Donc, on tombe là sur une problématique qui est propre à tout le 19e siècle, c'est-à-dire l'origine extérieure des conquérants. C'est un thème qui est abordé par Thierry, pour commencer, qui est repris, Augustin, naturellement, c'est-à-dire sur l'origine franque de l'aristocratie française. Ce thème est repris par Manzoni, dans les premiers Cicéros, mais pas seulement, c'est-à-dire dans la réalité. C'est-à-dire des conquérants lombards, c'est-à-dire l'idée que les conquérants étrangers se sont naturellement introduits en Italie ou dans certaines régions de l'Italie et ont provoqué, alors c'est ça la question, une dégénérescence totale, ou bien partielle. Autrement dit, est-ce qu'il s'agit dans le cadre des 12 états uniquement d'une dégénérescence espagnole, et donc limitée à cette stirpe, au raza, ou bien est-ce que cette dégénérescence s'est répandue sur tout le territoire de la Sicile? Autrement dit, est-ce que toute la Sicile est contaminée par cette invasion étrangère, auquel cas il n'y a plus de remède? Si en revanche, c'est une contamination partielle limitée à la descendance espagnole, évidemment, la Sicile peut à nouveau s'en sortir. On trouve là derrière le problème racial qui va avoir l'importance que l'on sait dans toute l'histoire de l'Italie. Et donc de la régénération possible. Je ferme la parenthèse. Mais il me semble que cette question-là ne peut pas être évacuée. C'est-à-dire la question de l'origine étrangère, encore une fois, de la domination et des conquérants. Vous voulez répondre? Oui, alors je parle un peu sous le contrôle. Oui, bien sûr. L'autre question, qui est là aussi fondamentale, mais je pense qu'elle se rejoint, c'est la question de la décadence, effectivement. Et de la modernité comme décadence. C'est-à-dire les deux thèmes sont effectivement corrélés. C'est-à-dire modernité égale décadence, décadence égale modernité. Et ce thème, et là on sort de la problématique italienne, purement italienne. Parce que la Sicile, évidemment, c'est l'Italie. C'est évidemment une représentation de l'Italie. Ce n'est pas uniquement le sublimate en Sicile. C'est le sublimate dans toute l'Italie. La possibilité d'un développement, du progrès, etc., à la suite du sublimate, qui est une question aussi qui doit être étudié tranquillement. Mais là, cette question de la décadence, de la modernité, est une question européenne, évidemment. Donc tu as fait allusion à Nordau, Max Nordau. Le livre est immédiatement, il sort en 93 ou 94, je crois, en Allemagne, Entartung, il est immédiatement traduit en Italie. Immédiatement. Et il y a d'autres traductions. Je ne sais pas si Pierre-Robert connaissait le livre. Mais si, c'est sûr. Il écrit en langue. Le livre a une résonance européenne et il est le symptôme à l'échelle européenne d'un malaise, j'allais reprendre l'expression de Freud, c'est-à-dire d'un malaise dans la civilisation, et qui est fait partie du climat européen de l'époque et qui ne concerne pas simplement la modernité, qui se traduit aussi sous des formes pathologiques, c'est-à-dire la folie, la criminalité, et toute l'école italienne de criminologues et de sociologues qui, à l'époque, donc des gens comme évidemment Lombroso, mais pas seulement, Sigele, Enrico Ferri, c'est-à-dire toute l'école sociologique et criminologique italienne qui s'intéresse pourquoi, je pense, c'est pour rien, à l'Italie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un cas italien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que cette école importante de criminologues prend l'Italie comme objet? Un des premiers textes de Lombroso est sur les brigands de 1860. Et donc la question du brigandage comme forme de criminalité. Est-ce que c'est propre à l'Italie, par rapport à l'Italie? On peut discuter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout un ensemble de paramètres dont il faut tenir compte, parce qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la société, c'est-à-dire la société, effectivement, est considérée comme malade. Elle est pathologiquement malade. Vous voulez répondre? Je finis, après je ne dis plus rien. La question sur laquelle je ne suis pas d'accord ou pas entièrement d'accord, c'est-à-dire c'est le problème de la issue de cette situation. C'est-à-dire donc il y a l'idée effectivement que l'art peut permettre de réagir. Et donc il est une solution à cette décadence généralisée, cette dégénérescence généralisée. Mais il y a autre chose, il peut y avoir autre chose. Et là, sur Delbert, c'est-à-dire quelles sont les solutions qui sont envisagées historiquement, socialement, devant cette situation d'effondrement, de malaise, etc. Il y a, si on raisonne sur un plan historique, il y a d'abord sur le plan social, collectif, il y a le socialisme qui propose une solution. On y croit ou on n'y croit pas. Georges, tu profites lâchement du fait que j'ai plus de voix. Par conséquent, je reprends mon autorité de modératrice et je donne la parole à Stéphanie. Je termine. L'autre solution. Non, non, écoute. Je termine. L'autre solution, c'est qu'au même moment, c'est en train de naître la psychanalyse. Moi, il arrive à Paris en 85. Donc, il y a. Je parle là au niveau individuel. D'accord ? Et ensuite, il va y avoir d'autres solutions politiques qui sont. Le nationalisme et la guerre. Et le fascisme, bien entendu. Alors, donc sur le premier point, sur celui de sur la question de savoir si la race des Lutzed est sujette à une dégénérescence différente que le reste de la population sicilienne qui n'aurait pas ou qui peut-être malheureusement est déjà contaminée, ça j'avoue que j'ai du mal à me prononcer. J'ai l'impression effectivement que le thème de la dégénérescence affrontée directement l'est effectivement pour les membres de la famille et je n'arrive pas à avoir des exemples de dégénérescence qui pourtant effectivement est un thème tout à fait récurrent chez des personnages qui ne sont pas présentés comme ayant été en partie au moins contaminés par cette souche. Et effectivement, c'est un point que je n'ai pas pu développer, mais qui pourrait faire le lien avec ce que vient de l'intervention précédente, c'est-à-dire que dans le texte de Nordau dans Dégénérescence, et c'est un thème tout à fait classique, un topos du problème, il y a le fait que l'homme moderne est sujet à une forme de dégénérescence malgré les progrès réels et matériels de la modernité, mais en cela en fait il retrouve il ne perd jamais, au contraire il retrouve la base atavique foncièrement mauvaise, hein, avec tous les vices de l'origine, quoi, de la souche. Il y a vraiment cette idée qu'il y a une forme de on retrouve les racines barbares dans la modernité, d'une sorte de boucle. Et en cela, effectivement, c'est un thème sur lequel Nordau insiste énormément et sur lequel on pourrait dire qu'il y a une forme de parallèle, hein, avec ce que nous présente De Roberto, qui effectivement dit à plusieurs reprises, voilà, à ce moment-là, là où justement il est sujet aux passions, il renoue avec son origine espagnole. Voilà. Ça, c'est une première chose. Quant à la décadence, enfin au thème de la décadence et de la modernité, donc effectivement, le livre de Nordau, je ne l'ai pas dit, Dégénérescence, est dédiée à Cesare Lombroso. Et donc Nordhaus se présente comme un maître, comme un disciple, pardon, de Cesare Lombroso. Et au contraire, De Roberto, donc, dans un article de 1897 et surtout dans un traité qui s'appelle Il colore del tempo, publié en 1900, fait une recension a tappeto, très critique contre Nordhaus sur Degenerazione et le texte que je n'arrive pas à dire, Psychophysiologia del genio dell'ingegno, en disant justement en quoi Nordhaus s'est écarté de la position de Lombroso. Et finalement, même s'il se déclare comme son disciple, il n'est pas digne de cet héritage, et il montre donc notamment sur la définition du génie artistique que Nordhaus dégrade systématiquement, et alors que pour Lombroso, c'est différent. Alors, je voudrais dire deux petites choses, puis après, on continuera les débats pendant la pause. Peut-être qu'il n'est pas indifférent de rappeler que le père de De Roberto est mort dans un accident de train. Oui, bien sûr. Pour les étudiants. Et autre chose pour les étudiants, c'est que le terme de modernité ne va pas de soi, et qu'il faut le définir par rapport à l'époque où il a été écrit, où le roman a été écrit. Enfin, c'est juste une précision pour les étudiants. Et d'autre part, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on continue les débats pendant la pause. On reprend les travaux et je donne la parole à Madame Lise Bossy, qui est maître de conférence ici à la Sorbonne. Et qui a travaillé sur les auteurs du domaine sicilien du Risorgimento à nos jours. Oui, c'est à ce titre exclusivement, puisque donc mes travaux de recherche concernent la littérature sicilienne des 19e et 20e siècles, pour faire bref. C'est à ce titre, et non en tant que spécialiste de De Roberto, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, que j'ai le plaisir d'intervenir dans cette journée. Je remercie Aurélie de m'y avoir convié. Mon intervention sera donc moins pointue que celle de mes collègues, qui sont, eux, en revanche, fins connaisseurs de l'œuvre de De Roberto. Et elle a essentiellement pour but de replacer l'œuvre de De Roberto, et particulièrement Ivi Cerré, je ne me suis pour ainsi dire pas intéressé, même pas du tout intéressé à l'Imperio, dans la lignée des écrivains siciliens avant et après lui. Au roman historique, qui est le genre phare du romantisme littéraire et de l'idéalisme philosophique européen, les romanciers italiens de la première moitié du XIXe siècle ajoutent une dimension propre. Il s'agit d'une dimension de critique politique et de revendication identitaire, issue directement du Risorgimento, et illustrée tant du point de vue idéologique que du point de vue narratif et linguistique par I Promessi Sposi de Manzoni. Donc à cette version italienne du roman historique succède, en s'y opposant en partie, une nouvelle version, plus spécifiquement sicilienne, celle-là, qui semble remettre en question les présupposés romantiques en leur substituant une lecture et une interprétation de l'histoire de type naturaliste et déterministe, où les causes et les effets sont censés se succéder implacablement sous la double poussée de l'hérédité pour les individus et du ce qu'on appelle le sens de l'histoire pour les sociétés. Mais alors que dans le reste de l'Europe, ces éléments s'organisent selon une dynamique globalement ascendante, comme dans la grande fresque zolienne qui retrace l'histoire naturelle et sociale de la dynastie des Rougon-Macquart. En Sicile, pour d'évidentes raisons historiques, voire géographiques ou même telluriques, on verra pourquoi plus tard, il s'agit plutôt d'un déterminisme involutif, cyclique et donc anhistorique, celui que l'on voit à l'œuvre en particulier dans le premier des deux grands romans de Verga, I Malavoglia. De fait, à travers cette vision anhistorique, Verga, victime de ce qu'il est convenu d'appeler la delusione risorgimentale, nie l'histoire, parce que l'histoire sous les espèces du royaume d'Italie nie la Sicile. Après l'intégration manquée de la Sicile dans le nouvel État unitaire, cette première option romanesque met en scène le repli des personnages et de la société sicilienne sur un âge d'or mythique, qui s'assortit d'une inévitable punition, je ne sais pas si vous avez présente I Malavoglia, pour tous ceux qui tentent de mettre un pied dans le courant du progrès politique et social. Cette première réinterprétation du roman historique, que l'on peut dire de résistance passive à l'histoire, voire même de négation du déroulement historique, est abandonnée au profit d'une nouvelle version, toujours typiquement sicilienne, que l'on peut qualifier de roman contre-historique, dont le deuxième roman du cycle inachevé des Vinti, Mastro don Gesualdo, représente un premier lemme, presque contemporain de Ivi Cerré, si l'on s'en tient à sa date de publication, donc qui est 1890, mais en gestation, en fait, depuis 1881, et accompagné, pour ne pas dire doublé pendant ces presque 10 ans, par la publication de nouvelles telles que La Roba ou Libertà, nouvelles qui sont donc de Nirustikan de 83, nouvelles où sont traitées de façon plus synthétique ou explicite les thèmes abordés dans le roman. C'est dans cette lignée contre-historique que semble tout d'abord s'inscrire De Roberto, particulièrement avec I Vicere. Une lignée dans laquelle vont se reconnaître, et ce jusqu'à nos jours, la plupart de ceux pour qui, comme pour Vincenzo Consolo, il romanzo storico, e in specie in tema risorgimentale, passo obbligato di tutti gli scrittori siciliani, era l'unica forma narrativa possibile per rappresentare metaforicamente il presente. Le Pirandello de I Vecchi Giovani, le Lampedusa de Il Gattopardo, le Sciascia de Il 48, le Consolo donc de Il Sorriso dell'Ignoto Marinaio e même le Camilleri de La Mossa del Cavallo, pour ne citer que. Tous ces auteurs, comme le souligne Vittorio Spinazzola, s'obstinent en effet à reproposer le même type de discours. Una rappresentazione narrativa e una interpretazione saggistica di eventi connessi al passaggio della Sicilia dal regime assolutista al liberalismo borghese per effetto dell'unificazione nazionale italiana. Le propos est effectivement double. Alors moi aussi je vais essayer d'articuler façon dissertation ou façon leçon. Pour les intellectuels siciliens, il s'agit tout d'abord d'offrir au lectorat potentiel de la Nuova Italia un autre point de vue, à la fois excentrique et universalisant, sur la réalité de la révolution nationale et de la révolution politique et sociale qui s'en est prétendument suivie, en prenant comme exemple la situation de la Sicile. Cet autre point de vue est destiné à battre en brèche la représentation de la nouvelle Italie démocratique, laïque et bourgeoise qu'offre l'historiographie officielle et à dénoncer les mensonges et les manquements de l'État italien ou de toute autorité centralisatrice et uniformisatrice. Pour les écrivains siciliens, il s'agit ensuite d'élaborer un discours littéraire autonome dans sa forme, ses choix narratifs ou sa langue de rédaction, capable de redoubler en quelque sorte le message anthropologique, social et politique que porte le roman. Exactement comme l'a fait Manzoni, donc le père fondateur du genre, pour qui il y avait équivalence entre langue, identité et valeur nationale. Cette tactique a pour but tantôt d'offrir une alternative au discours dominant, tantôt de faire entendre la voce di chi non ha il potere della scrittura. Le roman de De Roberto, donc I Vicere, semble s'intégrer parfaitement aux présupposés sociopolitiques et aux modalités expressives mises en œuvre par cette lignée d'écrivains siciliens attachés à réécrire l'histoire, ou plus exactement à en proposer une autre lecture. On y trouve en effet tous les thèmes que, depuis l'auteur Verga, qui a commencé à les illustrer à partir de ce qu'il est convenu d'appeler sa conversion au vérisme, tous les écrivains siciliens, De Roberto compris, continueront de développer. Tout d'abord, il s'agit de montrer à quel point le mythe, pour ne pas dire la géographie, qui commence à s'élaborer dès la fin du Risorgimento autour de la Révolution nationale et de ses principales figures, telles Garibaldi et dans une moindre mesure Cavour et Victor Emmanuel II, dissimule à peine les trahisons et les compromis qui ont entaché le rattachement du royaume de Naples et des deux Siciles au royaume d'Italie nouveau-né. Trahisons et compromis que l'on retrouvera dans la réalité comme dans le roman de De Roberto, à propos de la Questione Romana et de la bataille de l'Aspromonte ou au moment de la prise de Rome, pour ne citer que les épisodes les plus connus. Trahison et compromis érigés en véritable système de gouvernement quand, à partir de 1876, après la soi-disant Rivoluzione Parlamentare, De Pretis inaugurera officiellement une pratique déjà fort répandue dans les faits, le transformisme, dont il a déjà été question. Ce système de larges alliances électorales et parlementaires qui a permis, entre autres, aux hommes politiques siciliens issus de l'aristocratie et de la bourgeoisie locale d'accéder au pouvoir en se présentant sous la bannière de la gauche libérale et progressiste afin de ravir le pouvoir à la bourgeoisie piémontaise conservatrice avec laquelle ils se sont aussitôt empressés de fraterniser pour mieux s'installer aux affaires et pour lutter ensuite de conserve contre l'agitation sociale de la fin du siècle. Ce que l'on voit très bien dans I Vecchi Giovani de Pirandello avec la répression des fasci siciliani ou chez Consolo dans Retablo avec la répression contre les occupations de la Tifonde. Le personnage du roman de De Roberto qui représente le mieux cette classe d'hommes politiques méridionaux qui sont parvenus au pouvoir à force de reniements idéologiques et de manœuvres clientélistes est bien évidemment lo zio Duca d'Oragua, mais celui qui saura ériger ses pratiques en système de gouvernement, le système dit mafioso clientelare, qui fonctionne encore aujourd'hui et que les auteurs comme Sciascia ou Consolo ont continué à dénoncer, c'est Consalvo, Uzeda di Francalanza, Don Consalvo, comme ses futurs administrés l'appellent déjà. C'est lui qui énonce explicitement les bases idéologiques de ce système dans son discours de campagne. Dicesi che i deputati rappresentano la nazione e non i singoli collegi. Ma in che consistono gli interessi nazionali se non nella somma degli interessi locali? Io quindi, se volgerò la mente allo studio dei grandi problemi della politica generale, credo di poter ripromettere che avrò a cuore, come i miei propri, gli affari più propriamente riguardanti la Sicilia, questo collegio, la mia città natale e tutti i singoli miei concittadini. Une déclaration d'intention qui suffit elle seule à renier les principes mêmes de l'unité nationale au sein d'une monarchie parlementaire régie par une constitution démocratique. La seule grande figure de Risorgimento qui sort à peu près indemne de ce jeu de massacre est celle de Garibaldi. Mais c'est pour mieux mettre en évidence les défaillances des Garibaldiens, représentées par Benedetto Giulente dans le roman, ce qu'avait déjà fait Verga dans Libertà et ce que fera ensuite Consolo dans Il Sorriso dell'ignoto marinaio, lorsqu'il évoquera les procès de paysans jugés coupables des massacres de propriétaires terriens et de notables au nom de la liberté proclamée par Garibaldi, justement. Il est à noter à ce propos que si le jugement des auteurs siciliens est unanimement négatif quand il s'agit de dénoncer les responsabilités de la vieille aristocratie féodale hispano-sicilienne et de la nouvelle bourgeoisie affairiste dans l'échec de la Révolution nationale, le peuple que Verga, Pirandello ou Consolo présente soit comme une victime impuissante à force d'ignorance, soit comme un bourreau irresponsable à force misère, n'apparaît chez De Roberto que sous les espèces d'un troupeau méprisable et méprisé, pour qui le summum du progrès politique et social consiste à serrer la main d'un prince et à s'asseoir sur ses fauteuils. Pour l'auteur de Ivicere, il n'y a donc pas de rédemption sociale possible par et pour les classes populaires. Plus qu'un parti pris idéologique, c'est un double héritage ethnologique et philosophique, ou plus exactement ethnologique et donc philosophique, qui pousse De Roberto à adopter une telle vision de l'histoire sicilienne et de l'histoire en général. Une vision dont le pessimisme absolu a conduit Vittorio Spinazzola, que j'ai déjà cité, à qualifier Ivicere de roman anti-historique, en ce qu'il va jusqu'à nier, selon lui, la possibilité même de l'histoire ramenée à une pure catégorie anthropologique. En effet, tout a concouru, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans la géographie sicilienne, à la cristallisation d'une forma mentis, où l'un et le multiple, la réalité et l'apparence, s'affrontent jusqu'à l'anéantissement. L'isolement au milieu d'une mer d'où ne sont venus qu'envahisseurs et prédateurs, sur une île à la physionomie constamment dévastée et remodelée par les éruptions volcaniques et les tremblements de terre, où rien ne semble pouvoir durer sous une forme définitive, sinon au prix de l'immobilité sociale et de la stase ontologique. Avec comme résultat une condition existentielle que Chacha et bien d'autres depuis ont appelée la sicilitude, où la peur de l'inscription dans le temps historique comme temps de l'éphémère et de la mort le dispute à la résignation à un destin confiné dans la répétition infinie du même, hors de toute recherche et de tout espoir de progrès moral, personnel et collectif. Chez De Roberto, cependant, ce pessimisme historique est accentué par l'intégration et le détournement des conceptions qui avaient cours au sein de la koinée de son temps. C'est là une opération de digestion-distorsion que tous les auteurs siciliens ont accompli les uns après les autres, en allant, pour la plupart, chercher ailleurs, sur le continent, des matériaux conceptuels ou expressifs exogènes, aptes à être recyclés par la forma mentis sicilienne, pour être restitués, déformés par elle, et donc investis d'une nouvelle signification. Dans le cas de De Roberto, ce sont les concepts darwiniens de la lutte pour la vie et de la loi du plus fort, ainsi que l'importance considérable accordée à l'hérédité par les écrivains naturalistes français, donc fauteurs du roman expérimental, qui ont été l'objet de la subversion opérée dans Ivicere. En faisant passer ces théories à travers le prisme déformant de la sicilitude, De Roberto a pu assimiler le processus historique du Risorgimento à une étape anecdotique du cycle monotone de la reproduction du même dans l'immuable société sicilienne. Ainsi, ce qui aurait dû être une révolution politique et sociale ne fait que proroger les privilèges de l'ancienne caste dirigeante ou les étendre à ceux que Lampedusa baptisera les chacals de la nouvelle bourgeoisie parvenue, pour la simple raison que la nature humaine obéit à des lois invariables qui interdisent l'idée même de nouveauté. Ammessa pure la possibilità d'abolire con un tratto di penna tutte le disuguaglianze sociali, esse non si sarebbero di nuovo formate il domani, essendo gli uomini naturalmente diversi e il furbo dovendo sempre, in ogni tempo, sotto qualunque regime, mettere in mezzo il semplice e l'audace prevenire il timido e il forte soggiogare il debole. E chi mieux que le descendant d'une mala razza di predoni spagnoli, arricchiti con le ladrerie, pourrait incarner à la fois cette continuité historique dans la vocation à dominer, attestée par Muñoz et ses semblables, et en même temps, ou par voie de conséquence, l'inanité de toute velléité de changement politique et social, étant donné que ceux qui voudraient les remplacer ne sont littéralement pas nés pour cela. Soumise au mécanisme déterministe de la transmission héréditaire, l'histoire politique et sociale se borne donc à calquer, bâtard, dégénéré et avorton compris, la généalogie de cette famille qui l'incarne tout en la confisquant. En somme, pour De Roberto, la storia è una monotona ripetizione, donc je reprends la citation qu'a faite Stéphanie tout à l'heure, gli uomini sono stati, sono, saranno sempre gli stessi, le condizioni esteriori mutano, et j'abrège, je vous rappelle la conclusion, ma la differenza è tutta esteriore. Un concept que Lampedusa reprendra à son compte avec son fameux « Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi » et que Sciascia reformulera quelques années plus tard en disant à propos de l'un de ses personnages « E quale altra nozione poteva avere del mondo se intorno a lui la voce del diritto era stata sempre soffocata dalla forza e il vento degli avvenimenti aveva solo cambiato il colore delle parole su una realtà immobile e putrida ». Alors je passe à ma deuxième phase. À travers cette dernière citation, on voit se dessiner l'autre préoccupation qui a constamment animé les écrivains siciliens, en rupture avec la conception dominante du monde et de l'histoire, la nécessité d'utiliser des mots qui n'appartiennent pas à la langue uniforme et uniformisatrice du pouvoir, et d'inventer des formes romanesques capables de subvertir le discours officiel afin de dire cette réalité immobile. Comme cela a été le cas pour le cadre conceptuel choisi pour représenter leur vision du monde, cette préoccupation plus spécifiquement littéraire des romanciers siciliens est donc elle aussi étroitement liée à la condition existentielle si particulière de la Sicile et des Siciliens. Et l'on ne sera pas surpris, les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisque nous sommes dans le positivisme, qu'ils aient fait subir à la langue et au genre littéraire le même type de processus de digestion-distorsion qu'ils ont mis en œuvre pour les concepts philosophiques. Étant entendu que ce travail de déformation deviendra, grâce à l'effet de redoublement dont nous parlions plus haut, une espèce d'illustration redondante et implicite du propos explicitement tenu dans le cadre de la trame romanesque. Donc, parfaite juxtaposition de la trame et des moyens d'expression. En ce qui concerne l'expérimentation linguistique, ainsi que les procédés narratifs qu'elle va générer, c'est incontestablement Verga qui va en être le premier artisan. Et nombreux seront les écrivains siciliens qui n'hésiteront pas à reconnaître leur dette envers lui, tel Consolo qui affirme que pour l'élaboration du Sorriso, la sua scelta stilistica, linguistica originaria, lo aveva posto e lo poneva sotto la lunga ombra verghiana nel filone dei più recenti sperimentatori. C'est d'ailleurs Consolo qui dit le mieux, selon nous, en quoi consiste la langue inventée par Verga, une langue che non è matericamente e naturalisticamente la sublingua dialettale, ma un italiano irradiato di sentimento e ideologia dialettali, che ha come stampato il positivo italiano su un negativo dialettale, di lessico e di sintassi. Mais aussi una lingua periferica in conflitto con la lingua centrale, au moyen de laquelle Verga procède à la fois à l'enregistrement d'une réalité irréductible et à la récupération d'une culture locale mise en danger par l'uniformisation politique et par la standardisation linguistique. Chez De Roberto, on ne trouve pas véritablement de système linguistique comparable à l'idiolecte verguien. Mais ses choix dans ce domaine sont néanmoins parfaitement en résonance avec le message politique et social véhiculé par le récit. Ainsi, l'expression dialectale est presque totalement absente en dehors des innombrables références au poids, mesure et monnaie qui abondent naturellement dans un roman qui entend décrire un monde où la roba revêt une dimension existentielle presque pathologique, comme on le voit déjà dans la nouvelle éponyme de Verga. Cela ne signifie pas que le dialecte n'est pas la langue effectivement parlée par les personnages du roman. Et une petite phrase nous laisse entendre qu'il est même d'usage quotidien jusque dans la maison des princes de Francalanza. Le narrateur nous dit en effet que lorsque Raimondo vient quémander le soutien de Giacomo dans son projet de mariage, de remariage avec Isabelle, ce dernier lui disse non nel dialetto familiare, ma in lingua, buongiorno, come stai? L'usage de l'italien par Giacomo correspond, dans ce cas, à une mise à distance du frère scandaleux qui s'est exclu du cercle familial et de sa langue maternelle, la langue de la mère étant particulièrement tonitruante dans la maison des vice-roi. Mais cela signifie surtout que c'est le narrateur qui rend délibérément compte en italien de ce que font et surtout de ce que disent des personnages incontestablement dialectophones. Il aurait pourtant été facile pour De Roberto de restituer au moins l'écho de la sphère dialectale, ne serait-ce qu'en recyclant les recettes verghiennes. S'il ne l'a pas fait, c'est que l'usage de l'italien, tant par le narrateur que par les personnages, y compris ceux d'entre eux qui appartiennent aux couches les plus populaires, revêt un sens particulier. Il est la preuve, par la standardisation linguistique, que l'uniformisation politique et sociale, rejetée par la langue de Verga, est effectivement advenue. Ainsi, les gens du peuple ne s'expriment pas en dialecte parce que i popolani e contadini che si svegliano alla politica attraverso società operaie, circoli agricoli, casini democratici, se sont laissés prendre à la mascarade démocratique de Consalvo. Mais aussi et surtout parce que ce peuple est educato da secoli al rispetto e all'ammirazione dei signori, quasi orgoglioso del loro fasto e della loro potenza. Quand il n'est pas lié à eux, outre que par des liens de suggestion économique et sociale, par les liens du sang, hein, à l'instar du bâtard Baldassare, le maestro di casa. Et dès lors que leur seigneur se convertissent aux valeurs et donc à la langue de la bourgeoisie post-risorgimentale, italophone par convenance politico-économique et non plus par conviction patriotique, les gens du peuple font ce qu'ils ont toujours fait, ils les singent, en tentant de parler eux aussi l'italien politiquement correct, comme le malheureux qui exprime en ces termes son soutien électoral au premier grand transformiste de la famille UZ, donc le zio Duca. Duca, l'operaio vuole a vostra eccellenza. Ci sono tanti che brigano il voto, ma noi non ci abbiamo fiducia. Vogliamo un buon patriota e un signore come vostra eccellenza. Ou pis encore, en affectant d'employer ces mots étrangers qui témoignent chez leur maître d'un cosmopolitisme de bon ton, vous les aurez repérés, je suppose, ils sont particulièrement croustillants, tels que glubo, pour club, bois di Bologna, dans le compte-rendu que fait Baldassare et justement du voyage de Raimond, ou metingo, quand il s'agira de la réunion électorale organisée pour Consalvo. L'usage par De Roberto d'un italien volontairement standardisé pour prolonger l'arbre généalogique. Je recommence. L'usage par De Roberto d'un italien volontairement standardisé pour prolonger l'arbre généalogique des Zuzeda, commencé dans une emphatica e bolsa prosa siculo spagnola par Munoz, n'est que l'accomplissement de la prédiction de Consalvo. Questo diranno con altre parole i futuri storici della nostra casa. Et il est la préfiguration de ce que Chacha exprimera près d'un siècle plus tard, seule la couleur des mots change sur une réalité qui reste immobile. Alors comme on le voit, on est déjà loin de Verga et encore très loin de Consolo qui, chacun à leur manière et pour des raisons différentes, sinon opposées, ont tenté de faire entendre les voix marginales des vaincus que le cours de l'histoire a laissé de côté au moyen du fameux discours indirect libre, dans le cas de Verga, ou au prix d'incises dialectales laborieusement traduites en notes, dans le cas de Consolo. Des artifices stylistiques qui tendent à prouver qu'ils savaient pertinemment l'un et l'autre qu'il s'agissait pour finir d'une illusion littéraire, sinon d'une imposture idéologique. Pour ces raisons, à quoi s'ajoutent les problèmes évidents de communicabilité ? L'opération de subversion à laquelle se livrent la plupart des auteurs siciliens s'exerce aussi et surtout sur les genres et les formes littéraires. Une fois encore, il s'agit de manipuler des codes bien établis, susceptibles d'être clairement identifiés par le lecteur, de façon telle que leur subversion acquiert un sens supplémentaire, voire redondant, par rapport à l'intrigue du roman. Et une fois encore, c'est Verga qui montre la voie en adoptant les canons du roman naturaliste et les mécanismes du déterminisme positiviste pour mieux mettre en évidence la circularité involutive qui caractérise la société sicilienne. Mais la même tactique subversive est mise en œuvre par Chacha, par exemple, qui utilise à contre-emploi les présupposés éthiques et la structure rigidement codifiée du roman policier pour mieux montrer dans ses enquêtes historiques ou historico-philologiques à quel point cette même société sicilienne, victime de sa séculaire schizophrénie existentielle, est encore loin, un siècle plus tard, de cet état de droit que le roman policier classique prétend défendre ou restaurer grâce à l'épiphanie rationnelle d'une vérité une et univoque. Pour De Roberto, il ne semble pas faire de doute que le genre manipulé soit cette version naturaliste du roman historique qu'est le roman généalogique, donc à la Zola. Mais ce n'est là qu'une apparence. Car en fait, la véritable manipulation la plus significative consiste dans le pastiche en miroir de l'œuvre fondatrice du roman historique italien, I Promessi Sposi. Un roman dont De Roberto fait une sorte de supercitation, sacrilège, grinçante, qui sous-tend toute la construction de I Viscere, à travers une série d'éléments identiques dont la signification ultime est purement et simplement inversée par rapport à la fonction illustrative et exemplative qu'il revêtait dans le roman manzonien. L'élément narratif qui saute véritablement aux yeux des lecteurs de Manzoni est la citation en langue d'origine, graphie baroque et solécisme compris, de la prose généalogique de Munoz, dont se repaît l'analphabète Zitellone, et qui évoque irrésistiblement le début de l'introduzione des Promessi Sposi. Mais alors qu'il s'agissait pour Manzoni d'offrir avec ce concentré linguistique et philosophique d'Ancien Régime un terme de comparaison à usage de repoussoir pour promouvoir la défense et illustration de la langue et des valeurs de l'Italie encore à naître que propose la nouvelle dicitura adoptée par son narrateur, il s'agit pour De Roberto, comme nous venons de le voir, de démontrer qu'il ne suffit pas de changer la langue pour changer la réalité. Plus encore, il s'agit d'affirmer que l'instrument d'éducation et d'édification par l'exemplum littéraire forgé par Manzoni pour un peuple et une nation en route vers des lendemains qui chantent sur l'ère de l'idéalisme romantique a été transformé par les représentants de l'Italie nouvelle en un outil de stagnation politique et de sclérose sociale. Enfin, il s'agit de montrer que ceux dont Manzoni a voulu faire les protagonistes de son roman, au prix d'un anachronisme aussi flagrant que celui de prétendre qu'un auteur anonyme du XVIIe siècle aurait pu vouloir raconter leur histoire. Ces représentants delle genti meccaniche e di piccola fare, que sont Renzo et Lucia, hein, ne seront jamais inscrits véritablement dans l'histoire avec un grand H, celle que continuent imperturbablement à écrire, dans la langue la mieux adaptée aux circonstances, les descendants de Munoz, auxquels Consalvo de Franca Lanza s'en remet sans hésitation pour perpétuer la geste de ses semblables. Un autre des éléments des Promessi Sposi recyclés par De Roberto est le thème de la monacazione forzata, vous avez été présente, pour les filles et les cadets de famille. Et ici, c'est presque au mot près que la ressemblance entre les deux textes se manifeste, pour qu'apparaissent d'autant plus clairement ensuite les différences dans les conclusions de l'un et de l'autre. Ainsi, on trouve chez Manzoni, à propos de Gertrude, la phrase suivante. « Bambole vestite da monaca furono i primi ballocchi che le si diedero in mano. » Et chez De Roberto, à propos de Lodovico. « Fin della puerizia, egli fu vestito della tonna canera dei Benedettini, come ballocchi non ebbe altro che altarini, aspersori e ogni altra sorta di oggetti sacri. » Il ne s'agit bien évidemment pas de plagiat, mais du meilleur moyen que De Roberto ait trouvé pour attirer l'attention des fins connaisseurs de Manzoni et supposés défenseurs de ses idées sur les petits jeux de réemploi à contre-emploi auxquels il se livre. Pour Manzoni, la monacazione forzata explique la méchanceté de Gertrude. Et cette explication, en faisant la lumière, permettra sinon la rédemption, du moins le repentir et l'expiation de la sventurata. Chez De Roberto, en revanche, elle explique effectivement la méchanceté ou l'hypocrisie de Blasco ou de Lodovico, mais pour eux, il n'est pas question de repentir et encore moins de rédemption. La monacazione représente un simple accident de parcours auquel ces dignes représentants de la race des seigneurs doivent seulement s'adapter pour pouvoir l'utiliser à leur profit dans cette quête du pouvoir, par l'argent ou la position sociale, qu'ils partagent avec leurs parents restés dans le siècle. Nous pourrions citer d'autres passages en miroir où l'on voit De Roberto inverser systématiquement les finalités morales et ontologiques du message manzonien. Mais ce ne sont que broutilles au regard de ce qu'il fait subir à l'élément le plus important du dispositif philosophico-littéraire de Manzoni, son narrateur. Dès l'introduction des Promessi Sposi, le narrateur apparaît comme celui qui transcrit, traduit, transpose tous les discours antérieurs pour en donner à la nation italienne in fieri une version univoque, conforme aux fins d'éducation et d'édification qui sont celles de Manzoni. Mais il est aussi le garant de la vérité historique, quand il nous fait part des « molte cose importanti » di quelle a cui più specialmente si dà titolo di storiche, qui se sont produites à l'époque des faits de moindre importance, di storia minuta, dont il nous fait le récit. Ainsi que le garant de la continuité chronologique et rationnelle du discours, même et surtout lorsqu'il force le lecteur à faire un passo indietro pour comprendre les causes de certains effets, ou lorsqu'il l'autorise, ironiquement, à saltare addirittura il capitolo seguente pour retrouver le fil anecdotique de l'histoire des deux fiancés. Jamais le narrateur manzonien n'abandonne son lecteur qui ne cesse d'entendre clairement sa voix, une voix dont le monolithisme politique et moral ne fait aucun doute, même quand il convie des narrateurs secondaires tels l'anonyme ou les historiographes des siècles précédents dans le récit. Le narrateur de De Roberto, en revanche, est insaisissable, car diffracté en une multiplicité de personnages et de points de vue, grâce à la recette verguienne désormais éprouvée du discours indirect libre. Un discours indirect libre troué et redoublé graphiquement par une série de fausses micro-citations entre guillemets, je ne sais pas si vous revoyez ces passages, comme on le voit tout particulièrement quand le narrateur rapporte les sorties ordurières de Don Blasco. Ces guillemets sont censés distinguer les opinions et le discours du narrateur de ceux des personnages. Si ce n'est que le narrateur semble d'accord successivement avec les uns et avec les autres, étant entendu que les uns et les autres défendent évidemment des positions opposées, qui s'expriment dans un registre et dans des termes sensiblement identiques aux leurs, et que les guillemets sont parfois vides, ce qui laisse au lecteur le soin de les remplir en s'identifiant à son tour, tour à tour, avec les uns et avec les autres. Cette cacophonie qui frise parfois l'exercice de style, hein, quand il s'agit de restituer l'onction ecclésiastique, la langue de bois politique, ou les obsessions psychologiques de tel ou tel, cette cacophonie est savamment orchestrée par une sorte d'anti-conscience morale qui prend un visible plaisir à provoquer le lecteur dans tout ce qu'il est supposé avoir de plus cher et de plus sacré, au moyen d'une ironie qui n'est pas destinée, contrairement à l'ironie manzonienne, à prendre de la distance et à éclairer, mais une ironie qui est destinée à brouiller un discours déjà équivoque en inversant encore des polarités morales dont on perd jusqu'au sens dans une sorte de mise en abîme, hein, totalement vertigineuse. Quant à la continuité historique et narrative que le narrateur manzonien a assuré sans faiblir, elle suit le cours chaotique de la saga familiale des Uzeda, se perd dans des diverticules pour faire une petite place aux bâtards, abandonne à leur sort sans autre forme de procès, verbal ou moral, ceux qui se sont éloignés de l'arbre généalogique, comme Raimondo, dont on ne sait tout d'un coup plus rien, ou qui ne lui ont jamais vraiment appartenu, comme Mathilde, dont on apprend incidemment la disparition, parce que Pasqualino emploie à son propos la traditionnelle expression sicilienne de « felice memoria ». Et pour ce qui est de ces choses importantes que l'on qualifie plus spécifiquement d'historiques, pour reprendre les termes de Manzoni, elles n'ont d'intérêt ou de relief que dans la mesure où, d'événements publics, elles deviennent des affaires privées, parce qu'elles ont une quelconque incidence sur l'histoire familiale des Uzeda. Non pas pour nier l'histoire en tant que telle, mais pour mieux montrer, en inversant sphère publique et sphère privée, que ce sont les Uzeda qui la font, ou plus exactement, qu'ils ont été, sont et seront l'histoire. Comme on le voit, De Roberto n'a reculé devant rien pour détruire minutieusement, systématiquement, les Promessi Sposi, et pour faire de Ivi Cerré non pas un roman contre-historique, ni même un roman anti-historique, mais bien un anti-roman historique. C'est qu'il ne s'agissait pas pour lui, comme on pourrait le croire, de ne tuer en Manzoni qu'un père littéraire dont il refuserait l'héritage, mais bien le père spirituel de cet idéalisme romantique qui est l'exact contraire de tout ce qu'il sait, sent et ressent depuis sa terre de Sicile. Il s'agissait de montrer combien les présupposés philosophiques et ontologiques du roman historique, et du roman tout court d'ailleurs, étaient inopérants pour exprimer la sicilitude et pour comprendre la société sicilienne. Et c'est là un sentiment que tous les auteurs siciliens ont partagé et partagent encore, à l'instar de Vincenzo Consolo, par exemple, qui dit avoir voulu faire, lui aussi, un anti-roman historique pour des raisons sensiblement identiques à celles de De Roberto et en utilisant des procédés du même type, avec Il sorriso dell'ignoto marinaio, que j'ai beaucoup évoqué. Per me, il suo linguaggio e la sua struttura volevano indicare il superamento in senso etico, estetico, attraverso mimesi, parodia, fratture, spezzature, oltranze immaginative dei romanzi d'intreccio dispiegati e dominati dall'autore, di tutti i linguaggi logici, illuministici, che nella loro limpida, serena geometrizzazione escludevano le voci dei margini. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alice Bossi, pour. Merci beaucoup, Alice Bossi, pour cette très très belle. Hai rispettato il tempo. Ho rispettato il tempo. Perfettamente, quasi perfettamente. Donc, merci beaucoup, Alice Bossi, pour cette très belle intervention sur. Qui permet de situer Federico De Roberto dans une ligne qui part de Manzoni. Y a-t-il des questions ? Fabiano a trouvé à me dire. Il n'y a pas de question, du coup, il a peur, il n'ose même plus parler. Vas-y, Georges, spare. Non. C'est le rapport effectivement très intéressant entre De Roberto et Manzoni qui. T'as bien joué. Non, je te demande si ce rapport t'est bien joué. Oui et non. Ah. Et ce qui me plaît, c'est le rapprochement. Je pense que le problème qui est pratiquement insoluble pour De Roberto tient au fait que le roman de Manzoni est écrit grosso modo entre 1821 et 1840, écrit, réécrit et revu et chaque fois que. C'est-à-dire dans une période qui se situe en plein risolvimento. Pas encore la période cruciale, mais on approche. C'est-à-dire on arrive, on n'est pas loin de 48. Il marque le début de, évidemment, la dernière phase du risolvimento. 48 à 61, d'ailleurs, qui est la période par laquelle De Roberto commence pratiquement dans les chérés. Donc la difficulté pour lui est qu'il y a un décalage entre la situation qu'il décrit et celle la situation historique. Autrement dit, c'est comme s'il hésitait à parler, contrairement à Berga, directement de la Sicile de 1890. Et donc il y a une sorte de recul, de retour au passé, qui s'explique naturellement par la position de Roberto par rapport à la situation de la Sicile et du royaume de Naples avant l'unité, c'est-à-dire cette espèce de, bon, disons, de nostalgie pour être comme ça un peu. Parce que je pense que c'est beaucoup plus fort que la notion. Mais donc, je pense qu'il a un problème d'actualité. C'est-à-dire, quelle est la Sicile que je vais représenter ? C'est la même, hein. Justement, le propos, c'est de dire qu'elle n'a pas changé. Voilà, et c'est là que se noue la question du changement ou du non-changement, qui est le problème fondamental, effectivement. Est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il n'y a pas de changement, et surtout, est-ce que le changement est possible ? On retombe sur la question précédente, Je pense que pour aussi bien pour Robert que pour Capuana et Verga et même Pirandel, il y a une difficulté, pour ne pas dire une impossibilité, à voir, à accepter le changement possible. C'est-à-dire, là, je pense que le critère, Catherine a dit bien la sauve, et c'est l'attitude à travers, par rapport à la question paysanne. Et donc, volonté qui parcourt toute la narrative sicilienne et la question des fasces siciliennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je crois que derrière toute cette question de l'histoire ne peut pas changer, le monde ne peut pas changer, etc., il y a une attaque, c'est ce que je pense vraiment, une attaque délibérée et contre le socialisme, c'est-à-dire contre l'idée même d'un changement social. C'est quoi ta question, Georges? Il n'y a pas de question. Il en faudrait une. Posso dire una cosa? Prego. In italiano, mi scuso. Per carità. Però secondo me su questo tema della mancanza di cambiamento, cioè dell'immobilismo, forse secondo me bisognerebbe un po' problematizzarlo, perché se la fonte, come mi sembra di aver capito, è il finale dei viceré, però la storia è una monotona ripetizione, veramente è stato già detto prima nel dibattito, non va preso alla lettera come equivalente di un punto di vista ideologico dell'autore, perché è Consalvo che pronuncia questa frase, ma il tema, anche nel Gattopardo, la famosa frase di Tancredi, eccetera, lì magari si può forse rimandare al libro di Francesco Orlando, che è L'intimità e la storia, in cui questo luogo comune, cioè che il Gattopardo riveli un'ideologia gattopardesca, viene, dopo l'analisi di Orlando, totalmente messo in discussione, cioè la storia cambia, non cambia per il meglio. È proprio il principe che inizialmente nel Gattopardo crede alla frase di Tancredi, però poi prima di morire invece riflette sul fatto che no, Tancredi aveva avuto torto, perché in fin dei conti l'ultimo Gattopardo si rende conto era lui. Certo, ciò che viene dopo non è migliore di quello che c'era prima, le Iene, gli sciacalli, però cambia, la storia non è una monotona ripetizione. La storia degli altri, direi. Cioè la storia italiana, per riassumere. Cioè il fatto che il cambiamento sia negativo non significa che non ci sia cambiamento, ecco questo. No, non direi che il cambiamento è negativo, sia negativo. Direi che è un modo per lasciare la possibilità a chi comunque già fa la storia di continuare a tenere le redini. Non dico che la storia non esiste, parla Fannistuao, ma dico che per la realtà siciliana, io, come avete visto, ho preso proprio parlato dal punto di vista dei siciliani, della Sicilia, per quello che so, quel poco che so della letteratura siciliana, diciamo dell'Ottocento, del Novecento. Però anche se evidentemente la storia esiste, anche se evidentemente ci sono dei cambiamenti, quello che mi sembra per De Roberto, come per tutti gli altri scrittori siciliani, quello che non cambia è la condizione esistenziale, cioè il fatto che anche se la storia cambia, il sentimento, chiamiamolo sentimento, dell'esistenza non è modificato per niente dalle modifiche che avvengono altrove, perché per finire avvengono sempre altrove o eventualmente sono trasportate in Sicilia, ma sempre dall'esterno. Non sì, è un tema grandissimo, sì. Insomma, bisognerebbe fare un convegno solo su questo, penso. Non sapevo. Sì, interessante, controverso, insomma. Sì, sì. Allora, vuoi dire qualcosa? Non vale la penna. Si Giorgio ha parlé, il faut absolument. Sì. Ah bon, alors dans ce cas. Et donc, je reviens sur le fait qu'utiliser les mots des pastiches, moi je serais plutôt qu'utiliser celui des parodies, qui met en valeur mieux l'aspect de l'ironie, du sarcasme, de l'humorisme, et une autre voie de la littérature sicilienne, laquelle est fondamentale. Cette approche qui met de la distance avec les sujets par des biais de l'ironie est fondamentale. Il n'y a pas que des pastiches Promessi Sposi. Il y a d'autres choses. Il y a des parodies des Promessi Sposi. Il y a des parodies génériques fondamentales, des romans sentimentales, l'histoire des Raymond de Mathilde, c'est un roman sentimental. Il y avait la parodie du théâtre, du drame du 19e. Donc il y a à l'intérieur du genre roman des Robertiens un jeu métalittéraire qui est assez riche. Et pour cela, je te demande, le poids de la sincérité dans l'adoption d'une thématique sicilienne. C'est-à-dire, est-ce que c'est désormais déjà un cliché de la littérature sicilienne? Il faut parler de ça, car c'est un topos, et on le traite comme un topos en l'attaquant par le biais de l'ironie. Ou bien là, on est encore au niveau de la sincérité. C'est un vécu de l'auteur. Je pense que, étant donné effectivement l'époque à laquelle De Roberto écrit, où on a pu croire que quelque chose allait changer, ça fait partie du vécu, effectivement. C'est-à-dire que la déception, elle est réelle. Et que, là, je réponds sur le plan simplement de l'histoire et du sentimento, justement. C'est-à-dire que ça n'est pas encore un topos à supposer que il y ait une période précise où on puisse considérer que ce topos est construit. On ne sait pas trop, apparemment, à quel moment ça a commencé à devenir une espèce de si, la répétition du même, etc. etc. Mais il est clair que... moi, il me semble que vraiment ce prisme de la, ce qu'on appelle la sicilitude devient très vite opérant et devient très vite une façon de superposer justement les deux temps, le temps immobile et le temps historique qui avance, et d'une certaine façon de faire sentir, même sur le plan justement ontologique, même sur le plan existentiel, le dérapage qui se fait entre ces deux temps. Il y a un deuxième moment, on va dire, de la littérature sicilienne où ça se produit, et où il y a exactement le même effet de déception. On parlait de délusion post-risorgimentale, de déception et de sentiment d'avoir loupé le train, encore une fois, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où vous avez toute une série d'auteurs comme Vittorini, tout ça, qui commencent à dire les sorti, vous savez, les astratti furori, par rapport à justement ce qu'a été les pères. Et là encore, on a un sentiment que les auteurs siciliens, dont c'est particulièrement sensible, ces charges, ont cru pouvoir attraper le wagon de queue, on va dire, de ce train du progrès, et qu'il y a, de façon très sentite, là aussi, le sentiment que c'est encore loupé. Pour des raisons qui sont objectivement, factuellement historiques, c'est-à-dire le fait que la Sicile ait été libérée, qu'elle n'ait pas eu à combattre pour son indépendance, contrairement au nord qui est resté occupé et où il y a eu effectivement la lotta partisane. On peut trouver toutes sortes de raisons, mais il n'en demeure pas moins que le facteur constant, c'est quand même cette condition existentielle. Et ça, visiblement, ça remonte à beaucoup plus loin. Ça a fait écrire, un cherche, pour citer encore une fois, des textes du type « Comment peut-on être sicilien ?»« Sicilito udine sicilianita », etc. C'est-à-dire que c'est un thème que les Siciliens eux-mêmes, et je pense sans volonté d'en faire un topos ou d'en faire une scie, ont totalement remis sur le tapis, constamment, pour essayer de comprendre pourquoi. Et pour répondre à ce que disait Georges tout à l'heure, donc avant la pause, il ne me semble pas qu'on puisse parler d'un concept racial en la matière. C'est-à-dire que ce que tous tendent à dire, c'est que les Siciliens existent comme catégorie, justement ontologique ou raciale, si vous voulez, mais qu'ils existent parce qu'ils sont multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une race qui est susceptible de contaminer éventuellement les autres, mais qu'il y a ingestion et digestion continue de tout ce qui vient de l'extérieur et qui est transformé inévitablement en sicilien. sicilitude, sicilianité, on peut l'appeler comme on veut. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais... Il y a d'autres questions, d'autres interventions. Michaela. Juste pour ajouter peut-être quelque chose qui va... Bon, à mon avis, les problèmes du changement, du non-changement, ça va être de façon récurrente. On a parlé de ces corpus clandestinés, etc. Est-ce qu'il y a des signalités, etc. Alors, moi, je pense qu'on peut aller encore plus en finesse, parce que c'est vrai que ça reste une thématique assez générale. Et dans le cas de Roberto en particulier, on a cité les différents groupes de l'île, Pacacuana, Berta et Roberto. On peut dire que les deux, de toutes les trois, peuvent avoir ce sentiment qu'on ne peut pas changer les choses. On voit là un peu plus dans les détails, je pense, on se demandait d'où ça vient exactement, cette impression et cette interprétation de l'histoire qu'eux, ils ont transmise. Alors, chez Roberto, une chose sur laquelle récemment, en train de l'État, notamment, a mis. À commencer à mettre l'accent, et moi je vais vraiment dans ce sens-là. Une chose qu'il faut prendre en considération, c'est la trajectoire biographique de Roberto. C'est bien, il faut l'insérer dans un contexte historique, dans un contexte culturel, on a parlé des influences, de l'art, etc. Tout à l'heure, j'évoquais aussi le poids de l'imaginaire catholique, qui alimente quand même cette idée de la cyclicité, de la dégénérescence. Les deux coexistent dans l'imaginaire catholique. Mais il y a aussi autre chose qu'il faudrait prendre en compte, c'est-à-dire la trajectoire biographique de Roberto et son rapport à son histoire familiale aussi. Parce que d'un côté, moi, une chose très importante que je vois, c'est qu'il a un rapport au père qui est assez intéressant. Hein. Son père, il était officier dans l'armée des Bourbons, donc dans l'armée qui a été défaite, l'histoire italienne. Et ensuite, il a fait partie de l'armée garibaldienne après beaucoup d'hésitations, il a décidé de s'envoyer. Ensuite, avec l'État italien, il a été réintégré dans l'armée italienne, mais avec en direction. Et dans l'hiver, on voit des traces de ces événements. On ne voit pas que dans l'hiver, on le voit aussi dans les écrits de jeunesse de Roberto, qui a reconstitué une biographie fonctionnelle de son père, avec beaucoup d'honnêteté, etc. Donc ce sont quand même des données textuelles, des données vérifiables. Or, dans l'hiver, par exemple, il dit par un père Bernard, qui a beaucoup de Roberto, qui voilà, sont vraiment un autre opportuniste, il n'a pas pu profiter du changement d'origine qu'on a fait d'autres, peut-être qu'il est fidèle au Bourbon. Donc il y a déjà un rapport problématique à la figure du frère. De Roberto, en même temps, il a très bien grandi dans les valeurs de l'Italie nouvelle, qui a donc son père était victime. Donc il y a déjà ça les premiers nœuds qui peuvent être alimentés entre manque du changement et le changement impossible. Deuxième nœud, c'est le rapport à l'aristocratie, et là aussi on rejoint aussi des problématiques qu'on a évoquées tout à l'heure. Est-ce que c'est seulement les outils d'action dégénérée ou est-ce que c'est les poches sociétales? De Roberto, quand même, sa mère faisait partie d'une étrange mineure d'une ancienne famille aristocratique, et qui était d'ailleurs à lien de parenté avec le référent historique de Gonzalo. Hein. Donc, et de Roberto lui-même sentait de ne pas être reconnu comme appartenant à à la restauration même, hein, puisque faisait partie effectivement de ces différents qui avaient de ces branches qui avaient oublié. Et la preuve de Roberto, cet attachement ambigu à la restauration, c'était que par exemple, quand il pouvait se lettre, il mettait les épissons, les symboles, voilà. Et sa mère. L'appelait noble, Marianne Nina. Donc il avait un rapport très ambivalent à l'aristocratie. Lui sentait que c'était d'appartenir à cette aristocratie qui avait été écartée du pouvoir. Et d'après mon interprétation, l'aristocratie idéale que de Roberto voudrait voir, c'est ça qui est incarné par Giovanni dans la Vincella. Qui est aristocrate, il est libéral, il est beau, mais pas taré. Donc. Ma. Però taré. Oui, non, è pazzo, Giovanni. No, mais. Povero De Roberto. Povero De Roberto, sarebbe uno strano. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Oui, non, mais je veux dire, il y a ces deux éléments-là qui doivent être pris en compte pour pouvoir, qui peuvent avoir pesé quand même sur l'expérience de Roberto, comment ils ne doivent pas être amassés parce que dans Picciarelli et dans l'Impero, il y a un poids biographique qui est là, c'est très long. On ne peut pas quand même s'il est sublimé, il est retravaillé. Donc je pense qu'il faut le prendre en compte. Dans le cas de Verga, peut-être que c'est autre chose. Moi je pense que Verga, déjà la danse a pu relativement vous assurer. Bon, du point de vue social, c'était quand même pas grand chose, Verga. Bonne bourgeoisie terrienne, Cini, mais du point de vue de la classe sociale, hein, mais c'est beaucoup plus établi que les Robert, qui s'est trouvé dans une espèce de livre. Il y avait des prétentions aristocrates par la voix de sa mère, mais il était un bourgeois. Alors que Verga, peut-être, c'était plus son envie de ne pas trouver les changements non plus. C'est-à-dire, bon, Verga, il a milité dans la Guardia Civile et il s'est inscrit vraiment dans le processus de Risorgimento. Donc pour lui, moi j'ai repris les catégories habituelles, la délusione post-risorgimentale. Après, on peut effectivement affiner à l'infini. Mais moi j'ai essayé, bon, c'est vrai que le temps est ce qu'il est, simplement de donner des grandes lignes. Après, effectivement, là c'est à vous de poser des questions si vous voulez éclairer plus tel ou tel aspect. De toute façon, Verga, c'est pas la même génération. L'impalcature, si vous voulez, dans laquelle éventuellement vous resituez, dans le cas d'une très improbable, mais on ne sait jamais, dissertation sur De Roberto nel canone de la littérature siciliana. Voilà. Verga, c'est quand même pas la même génération. S'il y a une ligne de dispalcature, il est né en 1861, quoi. Donc, je vais peut-être. Vous demandez d'arrêter le débat et donner la parole à Madame Ganeri. Margherita Ganeri, qui est professeure à l'Université de Calabria et qui a écrit sur le roman historique. Elle sur le roman sicilien, c'est-à-dire sur Pirandello Romanziere et sur Federico De Roberto. Bene, grazie, io ringrazio tutti in italiano perché il mio francese è veramente pessimo. Ho predisposto un handout che forse ecco, è in distribuzione. Allora, io pensando all'occasione di questa giornata di studi, ho articolato il mio intervento in tre fasi, in tre parti. Nella prima, più descrittiva ma naturalmente molto sintetica, visto che il tempo a disposizione è poco, vorrei riepilogare almeno le fasi principali della ricezione critica di De Roberto, quindi ricostruendo la posizione attuale dello scrittore nel canone della letteratura italiana. Nella seconda e nella terza parte invece rifletto sulle possibili ragioni del ritorno d'attualità di De Roberto e sulle principali questioni, una in particolare, sempre perché il tempo è poco, ancora aperte nel dibattito critico attuale, questioni che incidono direttamente, rimandano direttamente al problema della canonizzazione di De Roberto. Allora, De Roberto è uno degli autori più grandi e insieme ancora oggi più sottovalutati della letteratura italiana moderna. Ancora oggi poco nota fuori dai confini nazionali e complessivamente sottostimata anche nell'ambito della letteratura nazionale, l'opera di De Roberto è stata penalizzata a lungo dall'incomprensione della critica, responsabile di valutazioni frettolose, pregiudiziali e in qualche caso addirittura inspiegabilmente errate. In vita, come sappiamo, De Roberto non incontrò mai i favori della critica né del pubblico. E anzi, la fitta serie di insuccessi condizionò psicologicamente l'autore fino al punto da causare un progressivo esaurimento della sua vena creativa. Soprattutto per lo scrittore era stata stremante la redazione dei Viceré, condotta in meno di un anno, e perciò, a maggior ragione, la fredda accoglienza che seguì alla pubblicazione fu fonte di un profondo scoramento e con causa di quella malattia psicosomatica diagnosticata come dispepsia di origine psichica che gli valse la celebre definizione di Dubois come, cito, uno dei più rari ed espressivi casi di isterismo mascolino. Il messaggio politico-culturale che emergeva dai Viceré era certamente troppo duro, troppo spietatamente critico per poter essere accettato dai lettori del tempo, abituati ai facili ottimismi della letteratura allora in voga. Basti pensare che quando 5 anni prima dei Viceré erano usciti contemporaneamente Il piacere di D'Annunzio e Il mastro Don Gesualdo, il primo aveva riscosso subito un grande successo, mentre al secondo era stata riservata la stessa tiepida accoglienza toccata al romanzo degli Uzeda. Lo stesso Verga, che aveva mostrato anni prima grande interesse per le raccolte di racconti, in particolare per i processi verbali di De Roberto, espresse invece delle riserve su quella che definì machine poderosa dei Viceré, scrivendo all'amico, cito: «Ti consiglio di tagliare spietatamente quelle 700 pagine». La ricezione critica del romanzo non migliorò nei decenni successivi e neppure, come sappiamo, dopo la morte di De Roberto. Un colpo mortale al romanzo lo diede la durissima e celebre stroncatura di Benedetto Croce, apparsa nel 1939, che scrisse, cito: «È un'opera pesante che non illumina l'intelletto e non fa mai battere il cuore». Fine citazione. Se pensiamo al peso dell'influenza di Croce sulla cultura, e non solo sulla critica letteraria, ma anche proprio sulla cultura italiana, si è parlato addirittura di dittatura crociana in proposito, possiamo ben spiegarci come mai questo giudizio così pesante abbia tanto a lungo pesato sulla ricezione critica del romanzo e dell'intera opera di De Roberto. Un eco di questa svalutazione è ancora presente nel primo Vitaliano Brancati, che dedicò a De Roberto la sua tesi di laurea, sostenendovi la superiorità delle novelle della sorte e dei processi verbali sui Viceré. Negli anni successivi, giudizi meno severi vennero pronunciati da critici di grande prestigio come Carlo Bo, Luigi Russo, Luigi Baldacci, ma senza produrre rilevanti cambiamenti rispetto allo stato della fortuna di De Roberto. Un primo dibattito, più acceso, si aprì alla fine degli anni 60, in seguito alle discussioni seguite alla pubblicazione del Gattopardo, ma nonostante giudizi come quello di Sciascia, che considerava i Viceré il secondo grande romanzo italiano del nostro Ottocento, dopo i Promessi Sposi, la riconsiderazione piena dei Viceré e dell'intera opera di De Roberto e soprattutto la scoperta della modernità del romanzo e anche della statura europea è avvenuta in anni molto più recenti ed è in parte ancora in atto. Tra gli anni 60 e 70 spiccano diversi importanti studi, per esempio di alcuni critici di provenienza marxista, come, fra virgolette, marxista, come Vittorio Spinazzola, Carlo Alberto Madrignani. Ciononostante, in questo arco di tempo non si può ancora parlare di un vero e proprio caso De Roberto, come si parla invece di un caso Verga. Infatti, se la rivalutazione critica di De Roberto si può dire che sia iniziata alla fine degli anni 60, il vero e proprio caso, a mio avviso, si data almeno un trentennio più tardi. Bisogna infatti aspettare la seconda metà degli anni 90 perché sia superato negli studi specialistici migliori il luogo comune per cui De Roberto fosse un seguace di Verga, un epigono, un rappresentante minore e un po' attardato del verismo catanese. Sono soprattutto i libri di Antonio Di Grado, e fra questi in particolare il ponderoso volume uscito nel 98 in prima edizione, poi c'è stata una seconda edizione, La vita, le carte, i turbamenti di Federico De Roberto Gentiluomo, a smentire definitivamente questo giudizio, puntando invece su un De Roberto, cito, autore di infinita surrogabilità, sostituzione metonimica e circolazione indefinita del senso, fine della citazione. Anche gli studi degli ex allievi, diciamo, di Di Grado, Rosario Castelli, Giuseppe Traina, ribaltano completamente e ormai indiscutibilmente lo stereotipo di De Roberto verista minore. Alla luce di questi nuovi studi, posizioni pur molto serie e pienamente favorevoli al riscatto di De Roberto, come quella di Madrignani, sembrano però appartenere a un'epoca remota della ricezione critica, cioè fanno parte di una stagione critica diversa e ormai finita, in cui De Roberto veniva ancora rivalutato alla luce e nei limiti di un canone letterario accettato, nel quale Verga manteneva sicuramente un ruolo ben più rilevante. Persino nel pregevole saggio che apre il Meridiano Mondadori, infatti, Madrignani non punta sull'importanza di De Roberto per il canone italiano ed europeo dell'Ottocento. Mi pare analoga la posizione di altri pur raffinatissimi e importanti studiosi dell'autore, tra cui possiamo citare Giudice, Grana, Sipala, Tedesco, Nunzio Zado. Questi studiosi valorizzano sì De Roberto rispetto al passato, ma probabilmente al di là delle loro intenzioni non riescono a produrre ancora con i loro studi un sostanziale ribaltamento del canone. De Roberto resta ancora presentato come un autore minore rispetto a Verga e non del tutto indipendente dal verismo. Invece, appunto, ciò non accade più negli studi, soprattutto negli ultimi studi di Grado. Oltre all'importante svolta verificatasi negli anni 90, altrettanto significativa per la ricostruzione del caso De Roberto e in particolare per la rivalutazione dei viceré, a mio avviso, è l'attenzione riservata al romanzo da due importanti registi, prima di Roberto Faenza e poi ovviamente da Faenza, che ha trasposto il romanzo al cinema nel film che tutti conosciamo, uscito nel 2007. Due ricchissime sceneggiature, mai diventate film per ragioni diverse, ma in entrambi i casi indicative, mostrano da un canto come tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 l'idea di un De Roberto minore fosse in una ricezione d'élite, diciamo d'élite culturale superata, e dall'altra come la spinta alla trasposizione puntasse proprio sulla sensazione di una nuova carica di attualità sprigionata dal romanzo. La prima delle due è una sceneggiatura di Sandro Bolchi e Lucio Mandarà, che fu approntata negli anni Ottanta su commissione della RAI in 4 puntate e corredata dalle note di revisione di Gesualdo Bufalino, interpellato come consulente per gli aspetti storici e letterari tra l'88 e l'89. Bolchi ovviamente non ha bisogno di presentazione, non desta quindi sorpresa che la sua trasposizione, in linea con le tante sue altre importanti trasposizioni di opere letterarie, cito così in modo casuale solo Il Mulino del Po, I Promessi Sposi, Le Mie Prigioni, I Fratelli Karamazov, Anna Karenina, La Coscienza di Zeno, I Miserabili, ecco, questa trasposizione seguisse un criterio di estrema fedeltà testuale proprio al romanzo, secondo un principio rispettoso in particolare dello svolgimento della trama. Io non ho potuto leggere la sceneggiatura, anche perché è introvabile, ma ho fatto in tempo a intervistare Lucio Mandarà, poco prima che morisse, nel 2006, il quale tra l'altro mi aveva promesso la sceneggiatura, ma poi non l'aveva più, l'aveva persa. Mandarà è noto soprattutto per lo sceneggiato televisivo L'amaro caso della baronessa di Carini, andato in TV nel 75. Mandarà in questa intervista mi spiegò che il progetto non andò in porto a causa di una censura del Vaticano. Addirittura il Vaticano, sempre stando alle sue dichiarazioni, intervenne per impedire la realizzazione di un telefilm considerato molto blasfemo, queste sono le sue parole. Infatti nella sceneggiatura è stata data particolare importanza al personaggio di Don Blasco, quindi al suo anticlericalismo. Mandarà aveva puntato su questa lettura perché siciliano della provincia di Ragusa e lettore appassionato fin dall'infanzia di De Roberto, aveva, attraverso l'anticlericalismo dell'autore, aveva voluto costruire una serie di allusioni alla storia politica italiana degli anni 70, quindi dal malgoverno trasformistico della Democrazia Cristiana al fallimento del progetto eversivo delle Brigate Rosse, eccetera. L'altra pregevole sceneggiatura, scritta da Ugo Pirro e dai suoi collaboratori Massimo Russo e Ida Mangia, fu redatta negli anni 90 per la RAI secondo un progetto che doveva essere colossale, infatti inizialmente prevista in 9 puntate, poi ridotto a 6, poi abbandonato nel 99 per definitiva sospensione dei finanziamenti. Anche Ugo Pirro è uno sceneggiatore di grande prestigio, 2 volte premio Oscar, autore, coautore e collaboratore di importanti film, anche tratti da opere letterarie, per esempio da Sciascia. Non c'è il tempo qui di entrare, semmai si interessa nel dibattito. Anche il progetto filmico di Faenza, dirò solo una frase su questo, indipendentemente dall'esito poi artistico dalla riuscita del film, è però giocato sull'attualità dei viceré, quindi non c'è il tempo di parlarne, ma insomma la molla che ha spinto il regista a portare sullo schermo questo romanzo è la sensazione di un'attualità dei viceré rispetto a che cosa? Rispetto allo scenario della politica italiana degli anni 90, insomma all'età di Berlusconi. Concludendo rapidamente quindi questa prima carrellata illustrativa, direi che si potrebbero individuare 3 grandi fasi nella storia della ricezione critica di De Roberto e quindi della canonizzazione. La prima va dalla morte, ma se vogliamo anche già dalla vita di De Roberto, fino alla fine degli anni 60, ed è la fase proprio dell'oblio, del misconoscimento, della scarsa considerazione. La seconda fase è una fase di ripresa, fine anni 60, metà anni 90, grosso modo, in cui molti studiosi si occupano seriamente di De Roberto, però non avviene ancora, questi studi non riescono a produrre, ripeto, molto spesso anche al di là delle intenzioni di questi studiosi, un ribaltamento del canone. E l'ultima fase, che è quella che io propriamente chiaramente chiamerei caso De Roberto, è la fase recente in cui siamo ancora calati, iniziata grosso modo intorno alla metà degli anni 90 e ancora aperta. Un libro molto importante di Rosario Castelli, uscito nel 2010, si intitola Il punto su Federico De Roberto per una storia delle opere e della critica, ricostruisce in modo molto puntuale e preciso questa dinamica storica, questa ricezione critica. Anche se, a mio avviso, l'unico difetto che ha questo libro molto, molto preciso è di dare poca importanza sia alla ricezione cinematografica, diciamo, sia all'uscita del primo volume bilingue, a cui peraltro anche l'autore del libro Castelli ha collaborato con un articolo, e quindi di puntare ancora su una storia legata al quadro nazionale. Anche Castelli nel libro definisce la fase attuale come una renaissance di De Roberto e spiega l'insuccesso delle fasi precedenti in base all'estraneità, qui è una quasi citazione che faccio dal testo di Digrado, all'estraneità sia alla fase modernista e sia alla fase invece positivista. Cioè De Roberto non sarebbe stato, non è stato, secondo Castelli, né veramente verista e né però modernista. E quindi per questa sua estraneità ad entrambe le due grandi scuole artistiche di pensiero non è stato compreso, non è stato capito fino a una fase tarda. Inizio così la fase più complessa di riflessioni sulle ragioni dell'attualità. Quindi interrogandosi sulle ragioni sia della sfortuna di De Roberto in passato, sia del suo graduale risorgimento, tra virgolette, bisogna senz'altro enfatizzare, come ho già anticipato, il carattere impietoso della denuncia politica di De Roberto. Probabilmente proprio per la sua forte carica polemica, priva di infingimenti consolatori, i Viceré, ma anche altre opere di De Roberto, sono state ignorate, sminuite, incomprese, misinterpretate. Il tema centrale del capolavoro di Roberto è il fallimento del Risorgimento, tra l'altro, ed è importante dirlo, è tematizzato per la prima volta dopo decenni di narrazioni patriottiche e romantiche, tanto che i Viceré è davvero da considerarsi il capostipite del romanzo antistorico, controstorico siciliano. E questo fallimento del Risorgimento è raccontato nel romanzo come premessa della genesi del trasformismo. In effetti l'obiettivo polemico di De Roberto è proprio il trasformismo degli anni Ottanta. Trasformismo, come sappiamo, è sinonimo di atteggiamento politico opportunistico e incoerente, che spinge a cambiare partito e fazione a seconda di quanto conviene fare per restare al potere. Naturalmente l'atteggiamento trasformistico implica una concezione amorale, se non addirittura proprio immorale, della politica, in cui conta solo l'interesse personale, e dunque rimanda a una visione della storia nel suo insieme immobilistica, nella quale i giochi di potere cambiano solo in apparenza le situazioni politiche, ma la sostanza dei veri poteri resta sempre invariata. Nell'ultima parte, nella terza parte del romanzo, poiché ormai diventato adulto, prende il sopravvento sui tanti parenti il principe Consalvo di Francalanza, l'erede del titolo. Il vero predone della nuova generazione, come lo definisce infatti De Roberto, è il vincente viceré dei nuovi tempi. Consalvo è il calco di un personaggio storico, questo aspetto è risaputo, ma andrebbe veramente enfatizzato, perché sì, è notorio, risaputo, però guardate, ci sono alcuni studi in cui questo dato è assente, non viene registrato, rimando per esempio al libro di Silvia Daitra. E Consalvo chi è? È il barmarchese Antonino Paternò Castello di San Giuliano, nobile catanese, diventato sindaco di Catania, poi deputato, ministro nei governi Giolitti e Pellù, è quindi un personaggio politico indubbiamente di primo piano e tra l'altro valutato positivamente dagli storici, a differenza di De Roberto. Consalvo di San Giuliano incarna lo spirito dell'epoca, è cinico, opportunista, carrierista, diventa poi appunto propriamente un trasformista. È ovvio quindi che Consalvo sia il bersaglio, anzi il principale bersaglio polemico di De Roberto nel romanzo, proprio come il marchese di San Giuliano era l'oggetto di tante critiche feroci del De Roberto giornalista condotte sui quotidiani siciliani. Per questo sembra assurdo quanto hanno scritto alcuni, e cioè che De Roberto fosse un sostenitore dell'ideologia gattopardesca e quindi un difensore del trasformismo. Nel romanzo, infatti, il punto di vista dell'autore non coincide, dal punto di vista politico, non coincide mai con quello di Consalvo, ed anzi si contrappone adesso in modo polemico e critico. De Roberto detestava il nobile parlamentare e perciò non poteva condividere le scelte politiche, le convinzioni politiche del suo alter ego letterario. Però, e questo è il bello di De Roberto, la situazione è molto più complessa ed intrigante se ci allontaniamo dal piano strettamente politico e guardiamo il punto di vista ermeneutico, perché Consalvo, su un altro piano, è anche un personaggio ambivalente, contraddittorio. L'idolo polemico centrale dei viceré diventa alla fine anche un simulacro compreso e sviscerato da De Roberto, è il feticcio del rivale dietro cui, pensando per esempio come è stato fatto recentemente da un giovane studioso alla teoria di René Girard, possiamo cogliere l'invidia, l'imitazione e quindi la rivelazione del fascino provato dall'autore. Calarsi nei panni del proprio nemico, infatti, significa anche far affiorare il desiderio nascosto per l'antagonista e significa far emergere una parte oscura del proprio sé. Consalvo, infatti, spesso non capisce se stesso, non si conosce davvero. Vuole dominare, è pronto a usare qualsiasi mezzo per emergere, ma spesso pronuncia fra sé e sé, per sé, tesi e proclami in cui non crede neppure lui, nel tentativo di autoconvincersi di qualche verità. Forse proprio per questo porta un nome leopardiano. E Leopardi, come sappiamo, era uno degli autori più ammirati ed amati da De Roberto insieme a Flaubert. Quindi De Roberto, il suo creatore, consomiglia a Consalvo perché come lui non ha certezze e perciò non può comprendere né sciogliere mai del tutto le proprie ambiguità. La coscienza, per De Roberto, come tanti altri grandi scrittori che hanno segnato l'alba del Novecento, è contraddittoria, labile, incoerente. Il caso dei viceré, su cui mi concentro di più, non sapevo che per il vostro esame ci fosse anche l'Imperio, è emblematico anche della ricezione della restante opera, perché non solo nei viceré De Roberto uno scrittore camaleontico, relativista, che non crede in nessuna verità e soprattutto è sempre un critico spietato del suo tempo e della società moderna. La sua teoria letteraria, su cui si è riflettuto secondo me complessivamente abbastanza poco ancora, è inquietantemente moderna questa teoria, si fonda sulla centralità di un sillogismo paradossale. Il sillogismo secondo cui di due affermazioni di senso contrario si può affermare simultaneamente la verità e la falsità. Questo sillogismo veniva chiamato appunto da Aristotele l'aporema. La rinascita odierna dell'interesse per il romanzo si deve certamente alla forte analogia tra il periodo storico del trasformismo rappresentato, ovviamente per il modo in cui rappresentato, e la percezione dello scenario attuale della politica italiana. Se anche altre opere di De Roberto sprigionano per altri versi una forte carica di attualità, i viceré sembra offrire quasi mutatis mutandis un ritratto dell'Italia contemporanea, della sua involuzione culturale e intellettuale e della sua gravissima crisi ideologica, politica e morale. Ma al di là di questa somiglianza esteriore tra due epoche corrotte, una somiglianza più profonda è in gioco dietro alla rappresentazione del degrado morale e politico. La ragione sta nel fatto che in De Roberto il medium interno, il trasformismo, si trasforma da schema ideologico in medium latente delle relazioni interpersonali e addirittura in medium interno al soggetto che le osserva. Si trasforma dunque in una malattia vischiosa che invade ogni ambito, anche del pensiero intellettuale, di quello artistico, e che quindi non lascia via di fuga. Così rappresentato, il trasformismo non è tanto o non soltanto una filosofia della prassi politica, che sottende una visione classista o l'ideologia conservatrice del gattopardismo, ma sembra piuttosto qualcosa di analogo al berlusconismo, in cui il bisogno di potere e di supremazia diventa fine a se stesso, si trasforma in autoaffermazione narcisistica, priva di ogni freno inibitorio e di ogni senso del limite. Cioè diventa narcisismo al limite della psicosi. Berlusconistico, infatti, come sappiamo, non è un termine riferibile solo alla politica, è tale anche il narcisismo del mondo intellettuale nella stagione del berlusconismo. E infatti nei viceré gli intellettuali sono tutti degradati, falliti, illusi e molto spesso inconsapevolmente. Insomma, è centrale nel quadro, nel ritratto che fa De Roberto, il senso dell'impasse, del fallimento. Più che di gattopardismo, per De Roberto si dovrebbe parlare, coniando un nuovo termine, di consalvismo, nel senso proprio dell'ambivalenza aporematica, cioè autocontraddittoria, nei confronti del proprio obiettivo polemico. Il fatto è che in De Roberto la corruzione della politica diventa contemporaneamente, per concausa e conseguenza insieme interna ed esterna, diventa corruzione della psicologia intellettuale e dello stesso pensiero. Questo fenomeno è osservato e descritto dentro l'autore stesso. Non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa che intacca e fa ammalare lo sguardo dell'autore. Insomma, l'analisi è sempre anche autoanalisi di una patologia dell'incertezza gnoseologica e identitaria. Questo camaleontismo di De Roberto, lo stesso camaleontismo che spiazzava i lettori contemporanei, lo stesso amico Vittorio Pica, da un canto rispondeva a un suo addirittura ossessivo desiderio di avere successo, ma dall'altro corrispondeva invece a un moto contrario di autosabotamento, autosabotazione. De Roberto non era sicuramente destinato a un successo facile e immediato, però era anche questo insuccesso era anche in qualche modo chiamato dalla sua scrittura, che boicottava dentro la propria scrittura la prospettiva di un successo. Insomma, la sua scrittura si sabota da sola e introietta il proprio fallimento. Sembra tendere a un cupio dissolvi che non è tanto un suicidio metaforico, considerato da De Roberto troppo romantico, quanto invece una rappresentazione della paralisi e dell'impasse. Dunque, se in De Roberto c'è una disgregazione dell'uomo, dell'ego, della coscienza, in questo senso De Roberto è più vicino al percorso di Pirandello, ma si distanzia rispetto al percorso poi maturato da Pirandello per il fatto che non tematizza a livello filosofico questa scissione interna, ma il suo principale nodo rappresentativo è quello della crisi della lucidità, della confusione e appunto dell'impasse. La posizione nel canone, oggi ancora mobile e incerta, anche se a mio avviso non potrà mai verificarsi un ritorno indietro, quindi un ritorno all'oblio di De Roberto, la questione che anticipo adesso, scorrendo anche le citazioni, che non a caso, soprattutto negli ultimissimi anni, cioè appunto negli ultimi 5-6 anni, risulta davvero aperta, davvero molto dibattuta nel dibattito attuale, è quella della canonizzazione di De Roberto sul versante, diciamo, tardoverista o sul versante modernista. Da questo punto di vista sono due le questioni aperte più significative. Una, la cito soltanto ma non ne parlerò, e riguarda appunto il presunto nichilismo politico di De Roberto e quindi per esempio la interpretazione del finale dei Viceré, molto controversa, ma di questo l'accenno senza parlarne. L'altro aspetto invece è la questione del modernismo, l'adesione di De Roberto al modernismo, la sua collocazione al di fuori dei limiti del verismo o invece sull'altro crinale modernista. In particolare, da questo punto di vista, vorrei citare un libro uscito proprio pochi mesi fa, a luglio del 2011, un libro anticipato da un'importante altra pubblicazione. L'autrice si chiama Anna Maria Pagliaro, il libro si intitola The Novels of Federico De Roberto From Naturalism to Modernism, è uscito presso un editore inglese, Troubadour, e l'autrice è italiana ma insegna in Australia da molti anni, vive in Australia, insegna in Australia. E Anna Maria Pagliaro, studiosa di lunga data di Roberto, aveva già curato nel 2006 insieme a Di Grado un importante numero della rivista Spunti e Ricerche. Il numero era intitolato Naturalism and Beyond, Fragmentation and Transformation of the Real, in cui in vari saggi di questo articolo e nel suo era già anticipata la tesi che lei con maggiore forza articola e propone in questo libro recente. Il libro è importante anche perché è la prima monografia in inglese su De Roberto, quindi appunto nell'ambito di una discussione sul canone questo libro ha davvero una grande importanza, perché può aprire nuovi orizzonti, nuovi scenari di ricezione appunto extranazionale. Ma come dice già il titolo, come suggerisce già la pista del titolo che ho citato, per la Pagliaro De Roberto è da collocare più sul versante del modernismo che non su quello del naturalismo. È un autore di transizione, però le opere della maturità, quindi anche già i Viceré, poi senz'altro anche l'Imperio, benché sia incompiuto, si collocano più sul secondo versante, per l'idea della scomposizione del reale, per l'idea della relativizzazione del vero, che non sul primo versante, quello verista, quello positivista, che resta un orizzonte di formazione giovanile. Anche io sono perfettamente d'accordo con Anna Maria Pagliaro, anzi propendo ancor più di lei forse per l'enfatizzazione di questo spostamento di De Roberto verso il modernismo. E per dare solo qualche esempio casuale, insomma, di questa idea della relatività del vero, di questa arbitrarietà della verità, ho scelto una serie di citazioni che sono qui. La prima citazione l'ho scelta intenzionalmente, riguarda Consalvo, per far notare anche l'ambivalenza con cui questo tema della relatività del vero viene presentato nei Vicerè. Consalvo è un relativista, perché Consalvo non crede a nessuna, no? Se gli stavano di fronte due persone che la pensavano in modo contrario, taceva o dava ragione a entrambi e torto a nessuno. Ecco, questo è proprio l'aporema: dare ragione a entrambi e torto a nessuno vuol dire che falso e vero sono equidistanti, equivalenti. È chiaro che però nella rappresentazione di Consalvo, questa mancanza di sincerità di Consalvo, questa mancanza di fiducia nella verità di Consalvo assume anche una valenza negativa, perché Consalvo è anche il bersaglio polemico di De Roberto, ovviamente. E quindi il fatto che lui non creda a niente, dal punto di vista che monarchia, repubblica, religione, ateismo siano entrambi falsi, significa che Consalvo è un trasformista, un opportunista politico, e c'è una critica. Però anche De Roberto, in maniera diversa, mutatis mutandis su altri piani, non crede in niente. Infatti, ecco, le citazioni 2 e 3 dell'Endout sono tratte da quello che secondo me è il più importante testo teorico sulla poetica di poetica di De Roberto, che è la prefazione ai documenti umani, in cui De Roberto, appunto, ha estrapolato solo un paio di frasi, mette sullo stesso piano la scuola naturalista e quella idealista. Io dico che siccome mancano alla realtà caratteri specifici, siccome essa non è precisamente definibile, le visioni antagonistiche delle due scuole sono entrambe legittime. Se naturalisti e idealisti sono entrambi nel vero o entrambi nel falso, il loro modo di vedere è una qualità sopprimibile. Come quantità sopprimibile nei due termini di un'equazione sono i termini uguali. Quindi sono entrambi nel vero e entrambi nel falso. Sono, appunto, questa è l'aporema, il sillogisma paradossale, per cui non si può distinguere tra coppie contrapposte. E poi però l'altro punto molto importante che ci serve sia per interpretare Consalvo ma tutta l'opera di De Roberto riguarda la posizione dell'autore rispetto al personaggio. De Roberto si autodefinisce scrittore analista anche in parte, no? E citazione 3, anche quando lo scrittore non parla di se stesso, la sua analisi altruistica si risolve nel prevedere simpateticamente ciò che nella pelle dei suoi personaggi egli stesso proverebbe e penserebbe. Cioè, in altri termini, l'autore è condannato quando fa analisi psicologica, mentre invece se descrive dall'esterno i processi verbali, il teatro può fare rappresentazione oggettiva veristica, ma quando invece deve rappresentare l'interiorità di un personaggio, cioè fare analisi psicologica, lo scrittore è condannato a quello che appunto qui è scritto, cioè a dover parlare di sé. Poiché l'altro è inconoscibile, lo scrittore che fa analisi psicologica in realtà si autorappresenta, immaginando ciò che l'altro potrebbe essere. Lo scrittore si comporta dunque come un grande attore che interpreta una parte, ma come il grande attore interpreta di fatto anche se stesso. Quindi convivono in questa posizione teorica, prima che pratica, diciamo, di De Roberto, convive nella scrittura di De Roberto un doppio movimento in cui il soggetto, quasi citando, se mi sembra quasi di citare Pierre Bourdieu, il famoso slogan di Pierre Bourdieu, lo scrittore ha il compito paradossale di oggettivare se stesso mentre oggettiva il soggetto dell'oggettivazione. Cioè l'autore rovescia e non può non rovesciare l'attenzione sul se stesso che è in ombra, mostrando come tutto il lavoro creativo stia lì, nel lavorare su di sé, come se fosse su un'alterità. Dunque finendo con l'identificarsi con l'oggetto della propria polemica e quindi con il proprio opposto. E ciò vale per Consalvo, ma vale per esempio anche per Teresa Duffredi e per tanti altri personaggi di cui l'autore vuole evidenziare il male, la perversione, la malattia, la cattiveria politica, con cui invece alla fine si identifica, perché appunto il sentimento del contrario fa emergere una zona oscura del proprio sé. Dunque, in un precedente studio mi era capitato di mettere insieme alcuni punti in modo più articolato, validi a spiegare questo modernismo di De Roberto. Allora, l'apertura verso il modernismo, la possibilità di giudicare De Roberto un autore modernista, va di pari passo con il suo ritorno d'attualità. E naturalmente qui adesso non c'è tempo per estrapolare questi punti, li vorrei citare proprio brevissimamente nei pochi minuti rimasti. Uno è questa contraddittorietà addirittura aporematica, che rende De Roberto senz'altro più vicino al versante modernista, ma anche più attuale rispetto alla sensibilità novecentesca. L'altro è il travestitismo, se volete si può considerare anche come una variante dello stesso punto, no? Perché il travestitismo, che in De Roberto rimanda a un'identità, una polarità identitaria sempre in azione. Un terzo punto è il bovarismo, anche questo è un punto centrale, beh, riguarda soprattutto l'illusione, il rapporto con Flaubert, la tematica del romanticismo, ma insomma il bovarismo inteso in De Roberto come ossessione per l'altro mancante. Quarto punto, la pazzia, intesa non tanto come caso clinico, patologico, come malattia, in questo il libro di Di Grado è veramente molto importante, quindi non tanto come interesse per il patologico, ma come patologia della vita quotidiana, insomma, quindi come di condizione diffusa, universale, espressione di una mentalità scissa e schizofrenica che rimanda in ultima analisi sempre a una patologia universale, cioè il narcisismo, inteso anche come autismo, come impossibilità di uscire dal sé per l'altro. Il quinto e ultimo punto è il don giovannismo, tanto centrale nell'opera di De Roberto, sono tanti i don Giovanni, le donne giovanne dell'opera, lo stesso Consalvo può essere visto come un Don Giovanni, anche se diciamo la sua seduzione si esercita più sulle folle, e quindi appunto il quinto punto, tutti insieme questi punti, li riepilogo: aporema, collasso dell'identità, narcisismo schizofrenico, ossessione dell'alterità, coinvolgono poi nell'impotenza, che è veramente il tema, secondo me, rappresentativo, artistico più forte di De Roberto. Ed è un tema, anche questo, un tema veramente più vicino alla sensibilità novecentesca che a quella ottocentesca positivista. Le ultime due citazioni le ho scelte perché secondo me sono due fra i passi veramente di più alto livello dell'opera di De Roberto, soprattutto la citazione 6, sempre a conferma di questa scissione dell'identità, di questo narcisismo patologico, ma anche soprattutto la citazione 5, da una novella importante dell'Albero della Scienza, mostra anche l'apertura positiva nei confronti di questo relativismo dell'interpretazione. Non si arriva mai a una verità, però questo è anche il bello, tenendo presente poi soprattutto che il personaggio che parla è, per dichiarazione dell'autore, proprio un doppio di De Roberto. Dunque, concludo qui, per concludere, a me sembra che tutti questi tratti, che sempre di più stanno emergendo nel dibattito anche internazionale appunto su De Roberto, collochino De Roberto decisamente molto di più sul versante del modernismo che non su quello del verismo. Quindi propongo, e tutto questo appunto va ancora oltre la proposta che in questo senso è più esplicita, che è quella di Anna Maria Pagliaro. Anna Maria Pagliaro propone, come ho già detto, voglio ripeterlo, l'apertura verso il modernismo solo in alcune opere di De Roberto, non in tutte, e quindi De Roberto sarebbe un autore a due facce, da un canto ancora verista e dall'altra invece modernista. E una delle tesi che la Pagliaro utilizza per dimostrare questo è la mancata conoscenza della psicoanalisi freudiana. Però se noi pensiamo che lo stesso problema vale per Pirandello, che è sicuramente un autore modernista ma non conosceva la psicoanalisi freudiana, anche questa obiezione secondo me potrebbe cadere. Dunque De Roberto sta entrando nel canone italiano, non è pienamente entrato, comincia pian pianino ad entrare oggi in quello europeo, in un modo che probabilmente, almeno a mio avviso, lo porterà a figurare non solo tra i rappresentanti del modernismo italiano, ma anche a figurare come il primo scrittore modernista italiano del canone. La mia è una convinzione, oltre che ovviamente anche un fervido auspicio. Grazie. Grazie a Margherita Ganeri per questo ricchissimo intervento. Ci sono delle domande? Certo. In italiano, brevemente, io non volevo intervenire oggi. Il dibattito è stato estremamente interessante e sono grato a tutti, insomma, di questa occasione che ci avete dato. Prendo spunto dalle cose che diceva ora la collega, ma un pochino voglio fare una considerazione di carattere complessivo. Io sono solo quello di noi, non voglio anticipare cose che dirò fra breve, ma sono tra i più convinti assertori della modernità di De Roberto, non da ora, da moltissimi. Il fatto che poi De Roberto abbia iniziato anche il problema della tematica politica, ci tornerò dopo, è un'altra questione. Però ecco, quello che voglio dire è questa modernità di Roberto è una modernità relativa, non una modernità assoluta. Cioè va capita storicamente. Io sono abituato a capire storicamente gli scrittori. Legittima anche una lettura attualizzante dei testi e lasciarsi affascinare dai testi, dalle derive di senso, non ho bisogno di dirlo qui in Francia, questo, dove avete avuto dei maestri di metodologia in questo ambito, da cui tutti abbiamo appreso. Ci si può lasciare affascinare dal testo, dalle sue sollecitazioni e quindi attualizzarlo, però poi quando parliamo di modernità queste categorie hanno un senso se noi le storicizziamo, se non le assolutizziamo, se no diventano, come dire, applicabili a tutti gli autori e allora si corre il rischio di leggere il Gerè o De Roberto con Tomasi di Lampedusa, l'autore del Gattopardo che io ho cominciato a studiare agli inizi degli anni 80, insomma, proprio un testo che poi è quello probabilmente a cui sono legato, come si è legati alle cose della propria giovinezza. Ma Lampedusa era uno scrittore che, come dire, dialogava con la lettera, con la crisi tra le due guerre, con la cultura della crisi tra le due guerre. E invece De Roberto è uno scrittore che va capito in questo discrimine tra 8 e 900, tra verismo e, come dire, sensibilità novecentesca. È lì che si gioca la sua modernità. È in quel contesto che va capito. Insomma, voglio dire che la modernità di Lampedusa è una modernità, diciamo, che si muove tra ordine e disordine, no? È questo, cioè tra, come dire, riferimenti stabili propri della cultura ottocentesca e rischio della perdita di senso che quel passaggio epocale tra 8 e 900 realizzava. E proprio lì, i segni di questa modernità di De Roberto sono visibili in tutti i suoi libri e naturalmente sotto questo riguardo il Vicerre diventa il libro per eccellenza, il libro più moderno, quello della massima sperimentazione, perché è chiaro che il De Roberto dell'impegno, io sono convinto che le ragioni della rinunzia a completare quel libro dell'impegno siano state anche queste, è un De Roberto che ritorna in qualche maniera sui suoi passi, così come l'illusione è, per alcuni versi, un libro interessante, estremamente suggestivo, farò un accenno questo pomeriggio, ma per molti riguardi è una specie di d'après robertiano, insomma, di Madame Bovary, eccetera, eccetera, no? Per molti riguardi funziona come un testo ottocentesco. Quindi voglio dire che in questo scrittore ci sono tanti elementi ancora ottocenteschi che sono elementi della sua cultura positivistica, naturalistica, anche linguistica, ma c'è anche, come dire, l'avvertimento di una sensibilità nuova da cui egli stesso si sente contagiato. E quindi, insomma, vorrei raccomandare ai giovani proprio questo aspetto, insomma, a leggere i testi anche storicizzandoli, a capirli nella loro cultura, nel tempo in cui sono nati e di cui in qualche maniera sono la spia, sono la testimonianza, non tanto per noi, ma proprio oggettivamente, in rapporto a quel tempo. Scusate. Se non ci sono domande forse finiamo, no? Ancora una? No. Sì? Sarà un effetto del mio consalvismo, sono d'accordo con Nunzio Zago e con te. Sono d'accordo con tutti e due. No, volevo sapere solo una cosa, se appunto secondo voi, perché il dibattito insomma si pone in questo modo, se c'è una spiegazione appunto allo sperimentalismo, diciamo, che mi sembra uno dei crismi proprio della scrittura dei siciliani, cioè questa più forse di. C'è Gadda, vabbè, c'è stato Pasolini, ma perché c'è questa, c'è una spiegazione altra che quella che ho trovata io, cioè appunto il dover esprimersi insieme nella stessa lingua e in un'altra per dire una realtà che è insieme questa e un'altra. C'è un'altra ragione secondo voi per la quale c'è questo sperimentalismo, questa vena sperimentalista in campo linguistico, in campo letterario globalmente, tipica dei siciliani? Non so se può rispondere io o Martina. Tutte e due forse, no? Vai. No, io voglio dire questo, anche questo tipo di impostazione, io capisco che è estremamente suggestivo, ma i siciliani, la letteratura dei siciliani, la sicilitudine, sono categorie difficili da gestire, scusatemi, questa parola. È vero, però, che c'è una vena di sperimentalismo nella letteratura dei siciliani. Nel caso di De Roberto, secondo me, nel caso di altri scrittori, per esempio di Gesualdo Cupolino, probabilmente nasce da un sentimento della vita, dalla necessità che, come dire, proprio il sentimento tragico della vita ha bisogno di essere deformato per essere sopportato. È probabile che, come dire, il grottesco sia proprio questo giudizio, la spia, la traduzione formale di questo rapporto difficile che si intrattiene con la realtà e di questa visione complessa della realtà, ma insomma assumere, ipostatizzare uno sperimentalismo legato antropologicamente ai siciliani, io questo non mi sento di sostenere. No, per cui chiedo, ci sono altre spiegazioni? Allora io risponderei a questa domanda con due cose velocemente, dicendo che forse più che di sperimentalismo, perché sperimentalismo non è proprio secondo me del tutto corretto, no, come vabbè, termine, sì, se riferito, cioè, si potrebbe dire come mai c'è questa grandissima letteratura siciliana più che sperimentalismo, per come mai sono così tanti e così grandi in un arco insomma, di tempo non estesissimo i grandi, veramente gli scrittori siciliani importanti. Ecco, secondo me è molto difficile poter dare una risposta. Io sono calabrese, quindi ho sempre avuto questo grande senso di inferiorità, perché Calabria non ce n'è neanche uno. Calabria non ne ha prodotto neanche uno. E quindi sì, mi sono interrogata. Lo stretto è stretto. Siamo vicini, però niente, gli scrittori erano tutti in Sicilia. È Edoardo Cacciatore, che non è stato però. C'era anche Alvaro, ma insomma non sono ai livelli dei siciliani, soprattutto dei catanesi, quindi proprio lì di fronte è niente. E quindi secondo me è molto difficile dare una domanda. Poi secondo me però molti di questi scrittori sono anche davvero diversissimi tra loro. No, una domanda quindi, un po' artificiosa, diciamo, ma sì, tanto sì, per. Secondo me è difficile. Non c'è una spiegazione univoca per questo. Okay. C'è l'idea di degrado della Sicilia di carta, insomma, no? Poi c'è una tradizione letteraria a cui naturalmente c'è un humus, c'è un contesto, gli scrittori vivono in questo, si ispirano reciprocamente, però è abbastanza un caso. No, invece se posso, volevo dire, aggiungere una cosa a quello che diceva Nunzio Zago, anche se non è stata proprio una domanda, però io volevo dire questo, che dal mio punto di vista attualizzare non significa non storicizzare. L'attualizzazione può contenere in sé la storicizzazione, cioè di fatto c'è un doppio movimento nella ricezione critica. Noi anche quando leggiamo Dante lo leggiamo perché lo attualizziamo, poi l'attualizzazione prevede in sé una collocazione nel storicizzazione e però anche una riflessione sul perché questo autore pur antico, pur passato, può ancora dire qualcosa. Cioè riflette, poi dipende come è fatta naturalmente, c'è l'attualizzazione selvaggia che non rispetta la specificità della storia, però ecco, attualizzare non significa necessariamente stravolgere. Io qui ho cercato di spiegare, mi sono posta la domanda, l'interrogativo sul perché di una rinascita dell'interesse di De Roberto tra gli anni 90 e oggi. Come mai nasce proprio allora, perché questi registi si interessano dei Vicelli, perché oggi siamo qui all'aggregazione a parlare proprio di De Roberto e solo dei Vicelli, cioè interrogarsi su queste cose che riguardano la storia della ricezione critica secondo me anzi può aiutare anche a storicizzare meglio l'autore. Poi un'ultima cosa, io non ho parlato nel mio intervento di modernità, ma di modernismo. Ci sono delle occhiate molto severe che vengono dalla mia sinistra. Sì, volevo dire solo che modernità, modernismo, cioè è un problema di collocazione storiografica.